Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Tous les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les Blancs! Que Dieu vous tue! Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 43. Ça passe vite, mais je suis quand même satisfait de voir que ça avance. Et avec moi cette semaine, bah, comme toujours, hein, toute une équipe. Alors avant de les présenter, même si vous en connaissez la plupart, je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, suivre notre site internet qui fait le tour de l'actualité au quotidien et commenter les articles démocratieparticipative.biz. B-I-Z. B-I-Z. Je précise aussi que dorénavant, nos émissions sont uploadées sur la plateforme vidéo PewTube. P-E-W. Tube, comme un tube, quoi. PewTube. Donc vous pouvez les retrouver. C'est pas ce qu'on met en avant, mais si jamais vous vous interrogez de savoir, vous pouvez retrouver les numéros. Alors, les numéros précédents n'ont pas été uploadés, mais je veux dire, à partir de maintenant, ces numéros-là seront là et sont absolument sécurisés. Voilà qui est dit. Alors, je vais présenter nos participants de cette semaine, et je commence avec Derek. Salut Derek, comment vas-tu ? Ouais, écoute, ça marche, tranquillou. Hein. Tranquillement. Avec le temps frisqué un peu quand même ? Ouais, que ça ne rend la douche froide que meilleure. Ah oui, tu es un adepte de la douche froide. On a aussi avec... Oui, Frédéric Danlévier aussi est avec nous. Salut Fred ! Oui, salut, pleine forme aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, que le public va bien. Et je suis prêt, pas de problème. Oui, beaucoup d'émotions cette semaine, n'est-ce pas Fred ? Ah bah, une semaine bien remplie, comme d'habitude. Très développement très intéressant, je pense que voilà, ça va continuer, c'est bien. Oui, tu as une profession intellectuelle, je crois. Hein. Ah, tout à fait. Moi, de toute façon, pas vous cacher, quand même, un petit peu d'argent dans la famille, voilà, on habite dans les châteaux, voilà. Hein. Salut Hopman, comment vas-tu Hopman ? Salut Gandalf ! Bah écoute, moi je vais super bien, j'espère que les auditeurs et les participants aussi. Et comme chaque semaine, j'ai envie de vous dire, bah, en avant les nègres. Hein. Voilà, en avant les nègres. J'enchaîne avec Astérix qui va, durant cette émission, parler. La dernière fois, il était présent, mais il n'a pas parlé. Mais il était occupé, je pense. Oui, salut tout le monde. Oui, effectivement, ouais, j'ai vu... Enfin, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes pendant l'émission et après, sur la fin de l'émission, je me suis dit « Merde, il faudrait que je parle parce que sinon, ça va vraiment avoir l'air d'un con. » Puis, il ne restait plus que 10 minutes. Enfin, l'émission s'est terminée, je n'ai rien eu à dire, donc je n'ai rien dit. J'ai vu que ça inquiétait certains qui m'aiment bien. Il y en a d'autres qui se réjouissaient. Alors, il y en a qui te demandent d'être indulgent. Hein. Ils pensent que je suis un peu comme la crampe là, dans Pulp Fiction. Tu me sors de la malle et tu me fais parler, tu me fais parler sous torture. Quoi. Donc, voilà. Faudrait être gentil. Notre joker dans notre valise. Non. On traite très bien Astérix. Je suis bien il est élevé en plein air, hein, je veux dire, il picore. Nourri au grain. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Alors, Fulbert est avec nous. Alors, Fulbert, bon, lui, ça fait quand même un an et demi maintenant qu'il travaille sur sa cave modernisée, fonctionnelle, avec une capacité accrue, je crois, de réception du public, enfin, d'un certain public. Mais il nous fait le plaisir de nous rejoindre pour cette émission. Salut Fulbert, comment vas-tu ? Ah, bonsoir à tous. Fulbert va bien, rassurez-vous. fatigué, hein, beaucoup de boulot, hein, c'est bon, la tuyauterie, produits chimiques. Bah, le Luger ne va pas s'astiquer tout seul, hein, non plus. Et le Luger ne va pas s'astiquer tout seul, effectivement. Et enfin, Léon nous rejoint également, ce qui fait que, d'ailleurs, comme l'a fait observer un commentateur, on a la francophonie, mais dans le meilleur sens du terme, qui est représentée. Hein. Il manque plus que la Suisse. Et on est bon. Oui, bonjour Gandalf, guide suprême. J'aimerais préciser une chose. Ouais. Les gens ne le savent pas, mais tu es un grand chef culinaire. Et en particulier, ta spécialité, ce sont évidemment les petits fours. Oui, c'est vrai. Oui, comment tu sais? Eh bien, ça tombe sous le sens. Oui, mais bon, c'était un secret bien gardé, je crois. Mais quelqu'un a vendu la mèche. Non, bah mèche, four. Allez, on va commencer cette émission d'abord par une cérémonie de remise de médailles. À l'attention d'un soldat, d'un citoyen participatif qui n'a pas démérité, qui se trouve dans la ville de Strasbourg, donc, jadis une ville européenne, hein, comme vous le savez, maintenant je sais plus trop, hein, Turquie. C'est une ville ottomane. Oui, c'est une ville ottomane, voilà, c'est une ville ottomane. Et alors, c'est une remise de croix de fer de deuxième classe, hein, pour ce très bel exploit. Il est d'ailleurs rentré, hein, dans le Panthéon de démocratie participative. Donc il est sur le site internet, hein, vous cliquez Panthéon démocratie participative, il y a les noms de tous ceux qui ont mérité de la patrie. De la patrie, donc du 4e Reich. Donc alors, qu'est-ce qui a valu cette magnifique performance? C'est la réalisation d'une photographie dans le cadre du Migrant Challenge, hein, où le vaillant citoyen a pris une photo avec le cliché qui va bien, hein, vous le connaissez, bon, pas besoin de le présenter, nos auditeurs s'y référeront sur le site, juste devant en fait un migrant nègre qui squatte depuis un an, l'entrée de la faculté de droit de Strasbourg, n'est-ce pas? Qui a vu le cliché, Derek? Tu l'as vu, toi? Ah oui, j'ai vu le cliché, et puis... Belle performance, quand même. Hein. Ouais, belle performance. Alors en plus, l'anecdote qui va avec est encore plus croustillante, quoi. Livre-la, nos auditeurs. Oui, le nègre en question, donc... a été inscrit d'office, hein, par l'université, en études de, je crois, de droit. Hein, oui, corrigeons. Il a été inscrit d'office par les communistes. Par les communistes. Qui dirigent l'université, ouais, de la faculté de droit. Au nom des droits de l'homme, voilà. Donc, il a commencé par squatter l'entrée. Non, mais c'est pas des conneries. Donc, il a squatté, puis on lui dit, bon, mais... tu peux pas rester là parce que t'es pas étudiant, bah du coup attends, non, mais on va t'inscrire, du coup t'es étudiant, tu restes là, c'est génial. Voilà, camping à l'année, et ça se passe bien, hein, sur la photo, ah bah oui, vous voyez, ouais, ça, voilà. Alors, faut juste pas marcher sur la pelouse, quoi. Et la faculté de droit, c'est pas normalement le lieu où on apprend les règles et les lois de France, qu'on est censé ensuite faire respecter, non? Non, c'est là où on apprend à contourner le droit bourgeois et réactionnaire. Très voilà, y a oui. Il y a l'état de droit, tu vois, où tu as droit à tout, enfin, où ils ont droit à tout, et puis tu as l'état légal, où tu as des lois et tu les appliques. Là, c'est l'état de droit, c'est donc... il faut ce qu'ils veulent. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc, en fait, premier acte, quand toi, tu es jeune étudiant en droit français, en arrivant à la faculté de droit de Strasbourg, le premier jour, tu arrives dans le... Hop, tu passes l'entrée. La mascotte, en fait... Le nègre. Tu découvres que la mascotte, c'est un nègre clandestin qui, évidemment, viole la loi et reçoit l'appui plein entier de l'université où tu vas apprendre le droit. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça résume assez bien cette belle république. Ouais, bravo. Alors, en tout cas, ne nous égarons pas. Bravo, un franc bravo à ce citoyen participatif. Une belle croix de fer de deuxième classe, quand même. Bravo. Alors, on m'a dit... Comment fait-on pour obtenir une croix de fer de première classe? Eh bien, c'est très simple. Celui qui a reçu une croix de fer de deuxième classe réalise un nouvel exploit et le fait connaître. Alors, c'est le cas du Migrant Challenge, mais aussi mais aussi de l'opération Témoin. Et là, j'ai eu... Alors, il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Rassurez-vous, on ne vous oublie pas. C'est la semaine prochaine, je reviendrai vers vous. L'opération Témoin qui se couple avec le Migrant Challenge. L'opération Témoin, c'est prendre en vidéo un moment cocasse hein, de la vie française, mais aussi de la vie belge. Hein, je veux dire, ah oui, c'est pas sectaire. Hein. Comme les barbecues de viande de brousse. Hein, celui-là, il était beau. Hein, en pleine oui, région oui. parisienne. Là, oui, là, alors là, j'en fais encore des doux rêves la nuit. Oui, oui, oui, oui, c'était très très bien ça. Donc, opération Témoin, ça c'est vidéo au quotidien, voilà, montrer un truc, je sais pas, une agression, bon là, l'imagination est au pouvoir, hein, puis elle est au pouvoir en France depuis quand même assez longtemps, ou alors évidemment le Migrant Challenge, ou alors il faut le cliché hein, d'Adolf Hitler à côté d'un gros nègre, d'un immonde pakistanais, enfin vous pouvez tout imaginer, voilà. Voilà. J'ai une petite question. En cas d'agression, est-ce que la médaille revient à celui qui filme ou à celui qui intervient pour sauver le blanc qui se fait agresser quoi ? Parce que... On est flexible. C'est un comité qui se réunit, n'est-ce pas, pour décider. Mais on est flexible. Tout est possible. En tout cas, bravo, formidable, une nouvelle croix de fer et on invite. Mais filmez, de grâce. Vous êtes dans les transports en commun, vous êtes dans votre quartier, vous voyez un truc. Mais montrez aux gens et envoyez-nous les vidéos, je vous assure, on les montrera. J'en ai en rab, je sais, elles seront diffusées, rassurez-vous. Mais donnez-les-nous, on les veut. Les Français ont le droit de savoir. Hein, les Français ont le droit de savoir. Et est-ce que nous, notre participation suffit à nous faire obtenir une croix de fer ou est-ce qu'il faudra un jour officialiser la cérémonie ou... Tu veux dire pour nous ? Pour nous, les participants à l'émission. Là. Est-ce que vous permettez ou est-ce qu'il faut aussi participer au challenge ? Bah écoute, faudrait qu'on discute entre nous, mais je pense que... Bon, faudrait qu'on en discute entre nous. Je présume qu'un certain nombre d'entre nous sont éligibles à un certain nombre de récompenses... Non, immérité. C'est pas immérité. Hein. Bon. Alors, les gars, rubrique numéro 1, autisme radical. Voilà, c'est dit, c'est lancé. Sujet numéro 1, voilà, c'est Dupont-Aignan. Et ça me permet, en fait, de parler plus largement. La droite forte. Ah non, la droite dure, là. Ah oui. C'est la droite dure, là. Alors, ça me permet de déborder, en fait, sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique. De sa prise de parole, de son premier discours en Afrique, en tant que président français, où il a pu parler à la jeunesse africaine, qui je présume attendait avec grande impatience ce qu'allait dire le grand sorcier blanc, hein, je pense. Est-ce qu'il allait faire pleuvoir, quelque chose, tu vois. Bon, ils attendaient, et ils ont pas été déçus du voyage. Et en France, des gens ont été choqués. On va d'abord écouter, Nicolas Dupont-Aignan hein, réagir à ce qui s'est passé, et ensuite on se retrouve. Allez, on écoute Nicolas, il a des trucs à dire. Alors je suis très partagé, je vais être très franc avec vous. Sur le fond, j'étais l'un des rares candidats à la présidentielle à parler du développement de l'Afrique, de ce défi absolument incroyable devant nous, 1 milliard d'habitants en plus, en une génération, c'est-à-dire en 30 ans. Mmh. Cela veut dire que pour moi, l'Europe, pas seulement la France, doivent mener un plan Marshall extrêmement fort vis-à-vis de l'Afrique. Donc, il y a des paroles du président qui m'ont paru sages, que j'aurais partagées. Il a été d'une arrogance, j'allais dire d'une violence à l'égard des autorités du Burkina Faso. Vous parlez de la séquence de la climatisation. Oui, très méprisante, à la limite du racisme. Et moi, je ne l'accepte pas. Racisme. J'estime qu'un chef d'État ne peut pas se comporter comme ça. Alors les gars, je reprends un petit peu sa parole hein, avec vous. En visite à Ouagadougou, Emmanuel Macron a tenté de rompre mardi, ça c'est Europe 1 qui retraduit donc, ce qu'on a entendu, a essayé de rompre mardi avec le discours traditionnel de la France-Afrique. Voilà. Il a notamment appelé un parterre d'étudiants à prendre en main leur destin et à rompre avec une approche bêtement post-coloniale ou post-impérialiste. Mais pour Nicolas Dupont-Aignan, l'un de ses adversaires à la présidentielle, le comportement du chef de l'État était à la limite du racisme. C'est ce que vous avez entendu. Hein. Macron était à la limite du racisme à l'égard des Burkinabés et en particulier de leur président. Voilà, Kaboré. Voilà. Il était voilà, à la limite du racisme. Alors, donc là, il est écouté. Alors, j'ai vu Patrick Cohen qui buvait ses paroles. Pour une fois, c'est bizarre d'ailleurs, Patrick Cohen était sous... plein de respect pour Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette indignation, hein, ce raidissement de la droite radicale française face à Emmanuel Macron pour avoir quand même démonétisé la parole de la France en ayant des propos racistes, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Il a quand même invité le président du Burkina Faso, donc ça doit avoir le PIB, je sais pas, de Concarneau ou bien de Maubeuge, un truc pareil. Enfin, j'en sais rien, mais il a quand même invité à réparer la climatisation après avoir réparé l'électricité. Voilà, donc c'était assez choquant. Je prends vos réactions. Dans l'or. Ah, Derek, tiens, je suis très associé. Comment se fait-il, tiens, que tu demandes la parole? Je sais pas, hein, c'est bizarre. Hein. C'est curieux. Ouais, ouais. Bon, alors oui. Avant de parler du Pont-Aignan, je sais pas comment ça se prononce, hein, son machin. Du con-gnan-gnan, on dit. Ah ouais, du con-gnan-gnan. Il faut revenir un petit peu, je pense, sur la performance d'Emmanuel Macron face à une assemblée de nègres enragés. J'invite tout le monde à regarder la séance de questions-réponses. On va faire mieux. Je te coupe. Je mets juste un extrait. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Voilà, comme ça, nos auditeurs ont quand même pu mesurer un petit peu l'ambiance. Voilà. Oui, donc voilà, vous avez un petit peu eu les meilleurs moments, hein, mais l'intégralité de la séance mérite d'être vue. Hein. C'est assez... Bon, c'est un truc qui sortait d'une part, un ovni, quoi. Voilà, le président français, en gros, face à une assemblée de nègres enragés qui lui demandent, petit 1, du pognon, petit 2, des visas, et... Petit 3, allez, le petit dégueulis sur les soldats français qui va oui, bien. Oui, voilà, le petit dégueulis sur les soldats français. Il ne demande pas des françaises aussi? Oui, il manquait plus que ça, effectivement. Oui, ça va avec, alors, oui. Pour le coup, ça a été répondu à chaque fois de manière tout à fait... Ça, il ne s'est pas écrasé ou quoi que ce soit. Alors, je n'ai pas lu, apparemment, dans le discours qu'il a fait en préambule, il a dit, machin, la colonisation, enfin, le bazar habituel, la colonisation, c'était méchant, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais bon, une fois passé ce truc-là, dès qu'il a été question de répondre à des questions des Africains revendicatifs, hein, le franc CFA ou autre, c'était du sans faute. Hein. Alors, du sans faute et puis avec le sourire tranquillou. Donc, voilà. Et ça, donc, ça ne plaît pas à la droite forte française qui trouve que c'est du racisme. Parler à des nègres qui ont 68 de QI en moyenne, hein, en moyenne, hein, Burkina Faso, le QI moyen au Burkina Faso, c'est 68. Voilà, t'as des pays même. Rappelons qu'en Europe, au plan clinique, moins de 78, tu es un débile léger. Rappelons-le quand même. Ouais, même oui, tout à fait. Hein. Mais donc oui, c'est-à-dire que là, il y a la moitié du pays qui est considéré comme débile, hein, chez nous. Même chez les nègres, c'est dans la fourchette basse. Hein. Burkina Faso, là, c'était quand même du gratiné. Et donc s'adresser à des nègres qui sont ce qu'ils sont, en ne leur faisant pas des courbures ou autre. Ah, tu veux dire, des courbettes. C'est du racisme pour Nicolas Dupont-Aignan. Et je crois qu'il n'y a pas que lui. Hein. On va peut-être en parler. Non. Alors, j'ai envie de poser une question. C'est Macron, il a un petit peu donné le bâton pour se faire taper parce que aller parler à des nègres en soi. C'est déjà complètement délirant, on est d'accord. Mais alors, parler à des étudiants nègres, déjà, moi, c'est un oxymore pour moi. Enfin, ah oui, dire, oui. Alors, attention. Étudiants là, nègres, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont étudiants en quoi? En sorcellerie, à la rigueur. Ah, je sais pas, ils étudient quoi? Les pyramides volantes avec Omar Biogo? Je présume que c'est ça, c'est ce niveau-là, quoi. Hein, c'est. Il y a un étudiant quand même qui a sorti que ouais, pour comparer la démographie africaine et dire que ouais, non, mais c'est pas grave, il faut continuer à faire 7-8 gosses par femme. Il a pris un exemple, la Chine qui avait une grosse population, sauf que la Chine ça fait 50 ans qu'il sort un enfant par femme. Et donc là, le type, Macron, oui, Oui, relevons aussi que le QI moyen en Chine est un petit peu différent de celui de l'Afrique. Bon. C'est sûr. Mais le type est étudiant, il te sort ça. Ils ont sélectionné la crème de la crème et c'est pas ça, quoi. Hein. Bah, moi, j'ai vu une masse de nègres que je crois est sortie de la jungle. Hurler comme des orang-outans, là. Ils étaient prêts. Bon, ils rigolaient, enfin, parce qu'ils sont, cons comme la lune, hein, de toute façon. Et ils étaient là, etc. Alors bon, Macron, je comprends pas l'exercice. Enfin, si, pour les tourner en dérision. Je ne sais pas. Mais enfin, bon, effectivement, revenons un petit peu à notre fil de discussion, quand même. Bon, la France, fidèle à sa mission de fuite en avant dans la négritude la plus complète, a décidé une nouvelle fois de s'adresser à des gens qui ont le QI qu'on a dit. Et ça ne va pas encore, mais non seulement, c'est ce qui a été le plus cocasse, c'est que les critiques qui ont été adressées par, toute la négritude possible et imaginable, ont trouvé un écho au sein de la droite dure dont tu as parlé, hein, bon, bah, qu'on a cité, du Cognagnan, mais aussi Florian Philippot, qui a dit sur Twitter que Emmanuel Macron avait fait honte à la France. Fait honte à la France, et peut-être le Front National aussi, je sais pas. Qui a quelque chose sur le Front National? Le Front National n'a pas pu quand même louper cette opportunité. Ouais, il y a eu un communiqué sur leur site officiel qui incluait les mouches. Hein, voilà. Non, mais j'aimerais bien, moi, la matière un petit peu du communiqué. Attendez, j'arrive. J'aimerais bien savoir ce que... Parce que, attendez, le Front National est en pleine dérive identitaire, droitière, voire groupusculaire, de ce que j'ai compris de Florian Philippot. Donc je présume que l'analyse du Front National sera radicalement différente de celle de Florian Philippot sur les mêmes faits, à savoir les déclins. Est-ce que tu veux que je te lise le communiqué officiel du Front National? Je prends. Nous voulons condamner fermement l'affirmation du président Ouagadougou, selon laquelle il n'y a plus de politique africaine de la France. Nous déplorons ce renoncement au moment où la plupart des puissances mondiales développent, elles, une politique africaine. Non, il n'est pas infamant en soi d'avoir une politique africaine. Seules les orientations et la conduite de cette politique sont à juger. Bla bla bla bla bla. Nous voulons, nous, que la France continue de mettre en œuvre une politique indépendante, dédiée aux États et aux peuples d'un continent si proche, dont nous partageons les risques et les opportunités. En un mot, le destin. Dans l'amitié et l'égalité. Oui, oh, c'est bien, c'est correct. Je suis inspiré. Méditons, je devais donner la parole à Astérix, mais méditons quand même les termes. D'égalité à égalité, c'est mettons sur un pied d'égalité le Burkina Faso ou le Congo avec la France. Effectivement, je veux dire, historiquement, culturellement, oui, économiquement... Communauté de destin, c'est normal. Voilà, communauté de destin. Et quelque part, ne s'agirait-il pas de créer un gigantesque empire mulâtre qui a une aspiration commune, quelque part? Oui, ça s'appelle la mission civilisatrice. Pour moi, vous délirez, mais on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Dupont-Aignan et l'autre couillon de Philippot, eux, ils sont cramés définitivement, quoi. Ces fils de pute pourris en font vraiment trop, quoi. Ça va vraiment trop loin, leur truc. Alors, je comprends par contre. Non, mais toi, tu dis Philippot, si attention, je t'arrête là. Ce que dit le FN dans le communiqué, excuse-moi, vas-y, Gandalf. Ouais, tu dis Florian Philippot, mais le Front National dit la même chose que Philippot en substance, là. Non, le Front National, il dit qu'il faut continuer à avoir une politique africaine. En gros, ils disent qu'il faut continuer à choper les matières premières du continent africain. On ne va pas laisser ça aux Chinois et aux autres. Enfin, moi, c'est ce que je lis entre les lignes dans le communiqué du Front National. Je ne vois pas... Je vois pas une farandole humaine dans ce que dit le Front National, quoi. Tandis que l'autre, là, Dupont-Aignan, il parle de racisme. Là, c'est autre chose. Donc là, lui, c'est tout de suite, il fait appel. On le voit avec un nègre bras dessus, en train de militer. Astérix. En train de dire halte au racisme, tu vois. Donc là, c'est tout de suite autre chose. Astérix. C'est-à-dire, le Front National, c'est plus subtil, quoi. Dois-je te rappeler que Nicolas Dupont-Aignan est allié avec Marine Le Pen? Ah oui, non, mais je sais, de toute façon, c'est ce que disent les gens qui la connaissent, ils disent que c'est une gauchiste. Moi, ça me surprend, vu qu'elle vient, elle a une bonne éducation quand même, mais il paraît que Delesquin et tout disent qu'elle danse sur de la musique de négro et tout ça, quoi. Donc, Attends, je continue le communiqué quand même, hein, parce que... Ah bah, vas-y, elle a quand même les couilles, hein, si je puis dire, de dire « L'Afrique n'est ni le continent des guerres et des famines, ni un paradis digital urbain et postmoderne. » Alors, pour le paradis digital urbain et postmoderne, ok, on est d'accord, c'est vraiment pas le cas. En revanche, le continent des guerres et des famines, excuse-moi, cocotte, quoi. En fait, le truc, c'est que Malika Le Pen, tant qu'elle peut danser en boîte de nuit avec son entourage, hein, sa petite cour, hein, comme, hein, voilà, le reste, bon, bah, en fait, c'est pas grave. Hein. Diriger un empire village, J'ai envie de dire, de toute façon, Marine Le Pen ne rédige même pas ses communes, ne doit même pas les lire. Je veux dire, enfin, c'est un truc d'étudiant à la con, ça. Oui, bah oui, j'ai tendance à soupçonner que cet étudiant serait passablement nègre ressortissant du Congo, justement, tu vois. Enfin bon, ne nous éternisons pas sur ce cas précis. Bon, le racisme, quand même, d'Emmanuel Macron, rampant, voire flagrant aussi. C'est insupportable, disons non. Juste un tout petit truc, Gordon. Oui. Juste pour aller au fond de ce que je voulais dire, en fait, je sais pas quelle est la part d'honnêteté, si c'est vraiment dans leur idéologie, le côté égalitaire avec les négros, ou si c'est l'hypocrisie habituelle des bourgeois européens, enfin des bourgeois en tout cas qui ont eu des colonies, tu vois, et qui se disent, voilà, on va leur faire croire qu'on, c'est les deux. Qu'on est égaux pour continuer à... Tu sais, C'est les deux. C'est-à-dire qu'au début, de la négrie, tu vois. C'est pas comme nous. Ouais. Au début, si tu veux, c'est les mecs se croient un peu malins. Ils disent tiens, on va circonvenir le nègre et tout. On va lui taper dans le dos. On va dire monsieur. On va lui donner du monsieur. On va lui mettre un costard et lui payer une paire de lunettes, tu vois. Puis tu vois, deux générations après, tu vois la petite fille se fait engrosser par Mamadou, tu vois. C'est ça la bourgeoisie française, tu vois. C'est les gros malins, tu vois, de la politique africaine de la France, tu vois, qu'il ne faut surtout pas céder. Alors moi, je dis, il n'y a pas besoin d'avoir une politique africaine, tout simplement. Il faut, enfin, je veux dire, comme toute grande puissance, tu vois, ce qui est intéressant, c'est l'Afrique, c'est pas les Africains. Les Africains n'offrent absolument aucun intérêt. Enfin, si, des ennuis, ils en apportent beaucoup. C'est un problème sanitaire, en quelque sorte. Mais sinon, enfin, l'Afrique va apporter quoi au niveau du XXIe siècle, je présume, de grandes vagues d'Ebola, de peste noire, de maladies aussi insolites qu'inconnues. Donc ça va être un petit peu un laboratoire à ciel ouvert. Bon, ça va être à peu près, au niveau humain, ça va être à peu près de cette ampleur-là. Des bidonvilles absolument bibliques, hein. On va avoir des océans de misère de 40, 50, 60, 70 millions de personnes, tu vois, mais... Ça sera, voilà, mais sans aucun horizon, rien, il n'y aura rien, tu vois. Et il y a des connards qui viendront te dire, ah oui, mais quand même, le développement africain, etc., tu vois, bon, évidemment. Donc ça, en fait, à ce titre-là, il faut s'intéresser à l'Afrique, mais pour s'en prémunir, hein. Et le sous-sol, bah évidemment, mais là, comme je veux dire, là, je serais communiste, c'est-à-dire que la terre appartient à tout le monde. Donc pourquoi laisser aux seuls Africains l'usage du territoire africain? Je suis désolé, arrêtons le capitalisme 3 secondes, quoi, je veux dire. La terre appartient à tout le monde, donc... Voilà, si quelqu'un sait te mettre ça en valeur, il faut sauter sur l'opportunité. Hein. Voilà. Ouais, non, je suis assez. Un peu d'anticapitalisme fait du bien de temps en temps, quand même. Hein. Alors, Derek, petit truc aussi intéressant que j'ai relevé. Tu vois, si Macron s'est comporté comme ça, de manière aussi frontale, aussi, c'est que finalement, c'est le premier président qu'on a qui est issu du post-racisme. C'est-à-dire que lui, il a été conditionné par une société qui a intégré. l'antiracisme, qui a intégré que les races étaient égales. Donc en fait, il s'adresse aux Africains comme à des gens normaux, quoi. Il n'est plus du tout dans cette espèce de, tu vois, comme Chirac ou Mitterrand, qui savait vraiment comment prendre le nègre. Lui, on voit qu'il est un peu pâteau, quoi. Il n'est pas très à l'aise avec le nègre, quoi, parce qu'il lui parle comme si c'était un négro de sa faculté, tu vois, sauf que le négro de sa faculté, c'est le seul qui a un QI à trois chiffres de toute sa communauté. Il a été francisé à mort par tout un tas de Marc Georges qui lui sont passés dessus à coups de bouquins, à coups de Voltaire et compagnie. Tu vois, le mec, ils lui ont enfilé des lunettes et ils en ont presque fait un Français. Tu vois. Et lui, en fait, il arrive en Afrique, il croit qu'il a affaire à des gens comme ça. Parce qu'à mon avis, il n'a pas été éduqué dans le racisme, quoi. Réellement, ah bah, pour de vrai. Tous les présidents d'avant avaient été éduqués dans le racisme de base, quoi, que qu'ont tous les peuples encore vivants. Quoi. Alors, messieurs, on a oublié le sujet numéro 2 parce qu'on est pris par le temps. Alors là, autisme radical, là, c'est du carabiné. Accrochez-vous, mettez vos ceintures. Si vous êtes debout, asseyez-vous, ça va être assez solide. Hanouna au patrimoine mondial de l'UNESCO. Point d'interrogation, c'est 20 minutes qui pose la question et vous allez voir que c'est très sérieux. Donc Hanouna, patrimoine mondial de l'UNESCO. Point d'interrogation. Il faut dire qu'à l'UNESCO, ils ont maintenant une avocate de qualité. C'est une Française relativement. Hein, voilà, si quelqu'un voudra bien me donner son nom. Et sa qualité, c'est l'ancien ministre de la Culture. Hein, donc, vous, comme vous pouvez le savoir. Azoulay C'est Madame Azoulay, hein, qui est à la tête de la. Alors, je présume que c'est un appel du pied, peut-être. Voilà. En tout cas, 20 minutes, très sérieusement, dit voilà, il y a là un sujet. Alors, je lis l'article de 20 minutes. C'est d'ailleurs le 20 minutes suisse. Bah oui, c'est l'UNESCO, c'est en Suisse, alors forcément. Enfin non, il y a un truc, le siège est à Paris, mais il doit avoir un truc. Ouais, c'est à Paris, l'UNESCO, je crois. Ouais, mais il doit avoir un truc, on va savoir. Alors, dans la longue liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense qu'il doit y avoir, en gros, le Colisée et les pyramides d'Égypte, quoi, en gros, voilà. On trouve l'Opéra de Sydney, le Parc National de Yellowstone, ou encore la Cathédrale de Chartres. Oui, excusez du peu, effectivement. Bientôt, Cyril Hanouna pourrait-il être ajouté à la liste ? Point d'interrogation. C'est en tout cas ce que souhaite Guillaume Herner, docteur en sociologie et producteur des Matins de Radio France Culture. Dans sa chronique du 29 novembre 2017, Herner a expliqué la raison pour laquelle il fallait, selon lui, classer l'animateur de Canal 8 au patrimoine mondial de l'humanité. Il a beaucoup fait pour préserver le socle anthropologique judéo-arabe, enfin oui, juif surtout. En somme, la culture séfarade, la culture des juifs orientaux, a justifié le sociologue. Pour étayer son propos, Guillaume Herner a pris en exemple des mots comme rasra, excusez-moi, je ne lis pas couramment le séfarade, darka ou shkumun. Hanouna utilise régulièrement dans ses émissions et qui sont désormais utilisées par ses téléspectateurs. Oui, enfin, le bétail goy, effectivement. Averté par Mathieu Delormeau, le présentateur a réagi dans TPMP, touche pas à mon poste donc, et s'est dit touché par les mots de Guillaume Herner. Alors, chers amis, c'est une proposition objective, je crois. Ah bah oui. De la part d'un sociologue tout aussi objectif, voilà. Qui a su percevoir, je crois, l'apport culturel majeur pour l'humanité. On ne parle pas de la France, on parle de l'humanité de Cyril Hanouna. Et donc, il faudra le classer comme patrimoine vivant hein, de l'UNESCO. C'est quelque chose de rare, rarissime. C'est celui qui a su préserver le mieux l'intelligence, la culture, c'est séfarade. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Alors, c'est un... Bon, déjà, Guillaume Herner, je vous invite à aller voir sa gueule. C'est un proverbe, hein. C'est un petit peu comme Hanouna, ça sort du même tonneau. Bon, attends, j'y suis, je vais lire un petit peu un extrait de sa biographie. Wikipédia, alors, tu me tends la perche. Fils de juif ashkénaze, Guillaume Herner, pour financer ses études dans les années 90, travaille quelque temps comme commercial dans une entreprise de prêt-à-porter féminin dans le quartier parisien du Sentier. Voilà. Début des années 2000, après une thèse sur les modèles explicatifs de l'antisémitisme, il devient docteur en sciences sociales à l'université Paris-Sorbonne et enseignant en sociologie à Sciences Po. Ah bah le modèle explicatif de l'antisémitisme, voilà, on a... Oui, tiens, nous, incarné, nous, effectivement, oui. Nous vendre à Hanouna parce qu'il y a trois mots de séfarade comme patrimoine mondial de l'humanité, hein. C'est un modèle explicatif. C'est le culot des juifs dans toute sa splendeur, quoi. Mais quel peuple horriblement vulgaire, quoi. Comment il, tiens, il a une tête particulière, hein, une tête vraiment qui sort de l'ordinaire. Qui est un peu plus étroite. Elle est un peu plus étroite au niveau du menton, mais elle est aussi plus étroite au niveau du haut de la tête. Donc ça donne une configuration très spéciale. En fait, il ferait complexer Serge Gainsbourg, j'ai envie de dire. La magie de l'inceste, encore. C'est bizarre que finalement les corps les plus bizarroïdes sortent des gens qui se marient entre eux, quoi. C'est avec la même génétique, tu vois. On pourrait imaginer que ça va cloner et au contraire ça crée des espèces de monstres, quoi, à chaque fois, quoi. Bah ça bug en fait. Alors moi je tiens aussi à faire écho à ce qui avait été comment dire à toute la culture cette fois-ci des juifs d'Europe de l'Est, hein, qui avait été malheureusement anéanti, hein, c'est pas poulet frit, voilà. Oui, voilà, Columbus Schneck, hein, il y a quelques années nous avait parlé de cette grande civilisation yiddish, culture, hein, cette grande culture, hein, qui reposait sur le gras de poulet frit. Voilà, donc c'est le gras de poulet frit. Le gras de poulet frit, c'était quelque chose, ma foi, qui était obligatoire. Hein, c'était il y avait l'avant et après. C'est-à-dire que les nègres ont compris que le blanc de poulet, c'est quand même meilleur, en fait. Ah oui, mais non, le gras de poulet frit. Et Hanouna, qui a ces trois mots de sabir judéo-maghrébin. C'est, les juifs veulent encore une fois qu'on les adule. C'est... Alors je pense, bon, moi, quant à ça moi, pas trop duré. Le dossier devrait quand même... Même s'il n'a pas le succès escompté, devrait quand même être pris en considération, au moins dans une phase évaluative, parce que peut-être que à la direction de l'UNESCO, pour des raisons qu'on ne sait pas, il y aurait une oreille attentive. Je ne sais pas. Il faut dire que Madame Azoulay est une juive du Maroc aussi, donc je sais pas. Je remarque que Guillaume Herner, là, il a une émission qui s'appelle Super Fail. Alors, il essaye de parler aux jeunes, on dirait. Il essaye de s'adresser au public de jeuxvideo.com. Oula, voilà, une émission où il chronique, en fait, des échecs et qui s'appelle Super Fail. C'est très fail, d'ailleurs. Il devrait essayer par le sien, oui, ce serait pas mal, oui. Donc, en fait, l'Ashkenaz traître à sa communauté. Parce que les Ashkenaz, normalement, tu sais, ils sont... les vrais Ashkenazes, ils sont un peu dans la culture, tu vois, les lettres ou c'est France Culture, les trucs, là, ou les maths, enfin, mais ils sont souvent, c'est des espèces de cerveaux un peu en retrait, tu vois, et quand ils sont dans la politique ou ces combines là, ils sont à des hauts niveaux, tu vois. Et les séfarades, c'est plus les mecs de la rue qui essayent de... C'est plus quand tu veux t'encanailler et que t'es un juif, tu vas traîner avec des séfarades. Donc là, je pense que c'est un petit jeune qui a voulu s'encanailler, qui a pas dû faire des si bonnes études que ça, le Herner, et du coup il idolâtre des études de genre sociologie ou un truc comme ça, et du coup il a dû s'encanailler avec des séfarades, apprendre un peu de drogue et tout, et il est devenu copain avec les sèfres, quoi. Non, mais il est docteur et tout en sociologie et tout. Ouais, mais et voilà, sociologie, ouais, c'est une science molle, ouais. Tu deviens docteur en plus quand t'es Ashkenaz, ton doctorat tu l'as quasiment, tu le chies, ton doctorat, quoi. Bah, il est sur France Culture. C'est pas Renaud Camus qui comptait les Juifs à France Culture à un moment donné ? C'est possible. C'est même certain. Il comptait les Juifs. Maintenant, il est sur France Culture avec Alain Finkielkraut. À réplique, même qu'il est. Ouais, enfin, il a été invité, quoi. Il est pas. Il compte moins les Juifs, quand même. Bah, il a essayé, je sais plus ce qu'il avait dit. Maintenant, il compte les Arabes. Non, mais il a essayé de compter, de parler de juifs, là, et puis tout le monde lui est tombé dessus, y compris Finkielkraut. Bah. Oh! Je ne vois pas de quoi vous parlez. Les juifs, comment, qu'est-ce que c'est? Comment? C'est une sorte d'Auvergnat, ça, non? J'ai pas compris. Ils portent des vêtements bizarres. Dans le Puy-de-Dôme. C'est ça? Alors d'ailleurs, ça me fait penser, quand tu les compares aux Auvergnats, par rapport à la radinerie des Juifs, on dit que les Juifs sont radins, c'est assez faux. Hein. Les Juifs, en fait, tant qu'ils savent que tu rendras, c'est-à-dire qu'ils sont radins si tu sais que tu ne rendras pas derrière, mais s'ils savent que... C'est-à-dire que, étant donné que les goy, souvent, quand tu leur prêtes, ils te rendent multiplié par deux, tu vois, parce qu'on a cette espèce de gratitude. Non, c'est le taux d'intérêt, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un goy, c'est le taux d'intérêt, c'est mathématique. Hein. Mais voilà, donc ils ne sont pas radins comme les Auvergnats. Justement, moi, ce que je reproche aux goy de la France profonde, c'est que souvent... Ils sont tellement radins qu'ils peuvent pas surfer sur, ils peuvent pas comprendre le capitalisme. Ils sont laissés complètement dépassés par le capitalisme parce que le capitalisme implique la prise de risque et implique à un moment donné de mettre ses ronds et d'être capable de faire un trou dans le budget. Enfin de, ça, je crois que c'est plutôt un problème générationnel. C'est-à-dire ça, c'est un truc qui survient en fait avec les générations baby boomers parce que ça existe. Je veux dire. Les Français qui étaient capables de prendre du risque, de faire des investissements, etc., ça a existé. Je veux dire, c'est pas quelque chose non plus qui n'a pas de... Voilà, historiquement, ça existe. C'est juste que la génération baby-boomer, effectivement, c'est une génération qui a voulu absolument tout garder pour elle, quoi. C'est-à-dire qu'elle a gardé de chaque petit centime. D'ailleurs, je pense qu'on va y revenir dans cette émission. Donc, Abondamment, oui. Oui, non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la générosité juive, ça consiste à te donner un pour en prendre deux. Tu vois, donc voilà. Et la pingrerie auvergnate ou la pingrerie agraire, comment dirais-je, des Gauloises, ça consiste à te prêter rien, comme ils sont sûrs d'avoir rien perdu, tu vois. Tu vois, je t'explique un petit peu les notions de générosité réciproque. Alors après, c'est à toi de choisir ton camp, tu vois. Qu'est-ce qui est le plus profitable ou quoi? Bon, voilà. mais bon, voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a un camp qui a plus d'ingéniosité, tu vois, dans la pingrerie que l'autre, tu vois. Mais bon, c'est juste un point de vue personnel, quoi. Alors, chers amis, quittons ces rivages économico-tribaux pour nous diriger vers la rubrique numéro 2, qui s'appelle « Humeur du califat ». Je reviens souvent. C'est Sadiq Khan, le maire de Londres. Moi, je l'appelle Khan le Sadiq. Ça lui va vachement mieux. Et puis, de manière générale, ça va vachement mieux aux musulmans. Hein. Sadiq, ça va vachement mieux. Ouais, Ken le Sadiq. Ouais, Ken le Sadiq, c'est vachement mieux. Alors, je cite hein, donc un extrait de la presse. Suite à la diffusion sur Twitter de vidéos djihadistes par Donald Trump visant à dénoncer les crimes islamistes, le maire musulman de Londres, le Pakistanais Sadiq Khan, a fait savoir que le président américain n'était pas le bienvenu en Grande-Bretagne. Dans un communiqué, l'ancien avocat de membre d'Al-Qaïda, hein, parce qu'il faut le savoir, il a été ancien avocat de certains membres de commando du 11 septembre, hein, je crois, si ma mémoire est bonne, s'en prend violemment au chef de l'État américain, dénonçant son usage de Twitter pour promouvoir un groupe extrémiste qui existe seulement afin de semer la division et la haine, hein, faisant référence à Britain First, un parti britannique à l'origine de la diffusion des vidéos des exactions djihadistes. Alors effectivement, les vidéos montrées par Donald Trump ont été dans un premier temps mises en ligne par Britain First, mais ce sont des documents officiels qui en fait qui se contentent de montrer, je veux dire, des séquences où on voit des musulmans torturer on voit des migrants musulmans prendre à partie un jeune blanc en Hollande. On voit des djihadistes de l'État islamique balancer des gens du haut des toits. Et il y a encore une troisième vidéo. Enfin, vous me rappellerez le contenu, peu importe. Enfin bon, ce sont des documents avérés, connus, voilà. Et Britain First les a tweetés et Donald Trump les a retweetés. Donc voilà. Et ce qu'on a reproché à Trump, c'est pas le contenu, c'est d'avoir cité le contenu. Mais on va y revenir. Sans surprise, l'édile musulman n'a pas condamné les organisations islamistes se livrant aux exactions filmées, c'est-à-dire l'objet même du message de Donald Trump. Sadiq Khan a exigé qu'aucun voyage du président américain ne soit permis en Grande-Bretagne. Et là, je le cite, « J'ai déjà appelé Theresa May, donc le premier ministre britannique, à annuler sa très mal avisée offre de visite d'État au président Trump. Après ce dernier incident, il est de plus en plus clair que toute visite du président Trump en Grande-Bretagne ne sera pas la bienvenue. » donc a menacé le maire de Londres. Alors là, je m'abstiens de commentaires et je prends vos réactions. Frédéric dans l'évier, j'ai envie de commencer par toi. Par rapport à Sadiq Khan ? Sadiq Khan, le fait qu'en fait Trump... Enfin déjà commençons juste par les vidéos, avant de revenir à Sadiq Khan. Donc Britain First, qui comme son nom l'indique, c'est la Grande-Bretagne d'abord, quoi. Mais en même temps, Trump a dit, à partir de maintenant, ce sera America First, ce sera l'Amérique d'abord. Donc ça fait écho à l'axe de sa campagne électorale, donc il y a quand même une cohérence chez Trump. Diffuse des vidéos, qui sont des documents, où on voit des exactions commises par des islamistes. C'est-à-dire que ça n'existe pas, puisque l'islam est une religion de paix, comme chacun sait. Donc voilà, les musulmans qui commettent des exactions, ça ne peut pas exister dans la réalité. Donc t'as pas le droit, quoi. Voilà. Bah en fait, le truc, c'est en fait bon, ils attaquent le messager au lieu d'attaquer le message. Donc c'est comme si un mec diffusait des vidéos des camps de concentration allemands. Hein, bon, vous en pensez ce que vous voudrez. Mais voilà, et en disant, mais c'est scandaleux, il fait de la germanophobie. Ah, mais je vais attaquer Arte, moi, tu sais. Voilà, c'est ça, j'attaque Arte, ils font de la germanophobie, voilà, la Shoah, etc. Machin. Donc Trump se contente de reprendre une vidéo où on voit des exactions qui sont factuelles, objectives. Personne ne s'arrête sur les crimes commis. Tout le monde lui prête une intention. De dire, ah, mais oui, mais vous êtes islamophobe, etc. Alors là... je vous invite tous à commenter là-dessus. Déjà là-dessus, avant de prendre la réaction de Sadiq Khan ou de Khan le Sadiq. Non mais je veux dire, c'est comme d'habitude en Occident, c'est-à-dire que ce qui est plus grave en fait que le crime en lui-même, aussi crapuleux soit-il, c'est d'oser en fait le constater. C'est-à-dire que le crime de la pensée est beaucoup plus grave que le crime lui-même, il pèse beaucoup plus lourd. Donc oui, c'est vraiment un truc totalement dystopique. Oui, on est dedans depuis un petit moment, donc on commence à s'habituer. Hein. Il y a une certaine logique là-dedans. Parce que rappelez-vous, pour autant que je sache, je ne sais pas où en est l'histoire, mais Marine Le Pen, est-ce qu'elle n'est pas en justice pour exactement la même raison ? Si. Elle avait tweeté des images de l'État islamique et on l'a poursuivie. On l'a poursuivi pour apologie de terrorisme, ce qui montre le niveau d'affaissement moral de la magistrature française et du gouvernement français. C'est-à-dire que pour faire un coup politique, pour persécuter un adversaire politique, alors surtout comme Marine Le Pen, je veux dire franchement, elle en a pas l'étoffe, quoi. Je veux dire, elle mérite pas les flèches qu'on lui adresse, entre nous soit dit, quoi. Mais simplement pour la faire chier. On fait un procès. Ah oui, mais vous avez. Enfin, c'est complètement fou. Et c'est pourquoi ces lois qui visent à contenir l'expression d'opinion est complètement absurde. C'est-à-dire que vous avez une loi qui a été produite d'ailleurs par Jean-Jacques Urvoise, député socialiste de Quimper, qui aujourd'hui n'est plus rien, ancien garde des Sceaux de Hollande, a été portée par ce type-là pour empêcher l'apologie du terrorisme. Et vous vous rendez compte de quoi ? Bah, c'est que la loi est écrite de telle manière qu'elle est complètement floue. Donc, quand vous avez quelqu'un qui publie une vidéo djihadiste, mais pour en dénoncer la portée politique, comme Marine Le Pen, vous êtes poursuivi au même titre que si vous étiez un djihadiste qui en avait fait effectivement l'apologie. Donc, c'est ça qui est aberrant. C'est-à-dire qu'en fait, la loi est fondamentalement subjective. C'est-à-dire, je vais poursuivre des adversaires politiques. Présenté sous un vernis d'objectivité. Je cherche à condamner le terrorisme en général. Et en fait, à la première opportunité, qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il abuse de son pouvoir, évidemment. Hein, il écrit des lois bidons, volontairement, pour pouvoir persécuter absolument tous ses opposants politiques. Et ça tombe sur Marine Le Pen. Voilà. Et ensuite, citons aussi, hein, Thomas Joly est parti de la France, qui est poursuivi et condamné pour les mêmes termes que Marine Le Pen. Voilà, il fout une vidéo sur son site internet qui dénonce les exactions djihadistes. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes un nationaliste, quand vous êtes un identitaire, ou quand vous êtes quelqu'un dont on soupçonne d'être passablement islamocritique, vous ne pouvez plus mettre deux documents en ligne pour étayer votre propos. C'est-à-dire que les lois antiterroristes et anti-djihadistes servent à vous empêcher de dénoncer le djihadisme. Ça, c'est la République française de 2017, d'accord ? La même République qui lutte évidemment contre le terrorisme, le radicalisme musulman, etc. Bien sûr, blablabla. Donc c'est complètement, mais on dit souvent c'est orwellien, mais c'est orwellien. Et d'ailleurs c'est même pas audible un truc pareil. Et là, avec Trump, comme disait dans l'évier, c'est-à-dire qu'on a un phénomène qui se généralise, donc ça perd. C'est-à-dire que Trump se contente de diffuser un contenu, il n'exprime pas une opinion ou pratiquement pas. Et voilà, regardez. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, en gros, quoi ? Qu'est-ce que vous pensez de ces musulmans qui balancent des gosses du haut d'un toit ? Qu'est-ce que vous pensez de ces migrants qui prennent un gamin handicapé avec des béquilles pour le savater, un gamin hollandais pour le savater ? C'est quoi la troisième vidéo ? C'est dommage, je me rappelle pas. C'est vraiment dommage. Elle était aussi extrêmement violente. C'était un islamiste dans je sais plus quel pays qui cassait une statue de la Vierge Marie. Casser la Vierge Marie, voilà, exactement. Donc là, c'est un acte anti-chrétien caractérisé une profanation revendiquée, voilà. La presse de gauche, la presse marxiste-socialiste qui suce des bites de nègres et de musulmans à longueur de temps, l'agence France Presse en tête, payée par le gouvernement français intégralement, c'est une agence d'État. C'est une agence d'État, l'agence France Presse. Hein, fait abstraction des documents, n'en parle absolument pas. Et maintenant, quand tu te contentes de montrer ce que font les musulmans quand ils font des trucs cons, on te dit que t'es islamophobe. Donc ça veut dire que quand un musulman fait une connerie, tu peux plus en parler. Parce que sinon t'es islamophobe, t'es un enculé, d'accord ? Donc, en fait, ça veut dire la traduction concrète des mots d'ordre que lance la presse, c'est simple. Vous devez vous convertir à l'islam. Parce que si vous refusez cette violence et cette orgie de barbarie, vous êtes islamophobe, d'accord ? Donc c'est comme quand t'es raciste, tu sais, quand tu défends les blancs, t'es raciste. Donc quand tu refuses la barbarie musulmane, t'es islamophobe. Donc la seule alternative, tu dois détruire les blancs et te convertir à l'islam. Voilà, ça c'est la logique de la gauche progressiste occidentale aujourd'hui, et de ses médias, évidemment, hein, voilà. Ça c'était extraordinaire, et Trump, là, Trump a fait un coup, a frappé un grand coup, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait, selon moi, il savait très bien la réaction de la gauche, et c'est ce qu'il attendait. C'est-à-dire qu'il attendait que la gauche se discrédite totalement dans le regard de la classe moyenne blanche occidentale, donc c'est aussi bien en Europe qu'en France, même au niveau mondial, quoi, qu'elle se discrédite vraiment en hurlant, et justement en faisant ça, c'est-à-dire en oubliant la barbarie qui était montrée, pour lui taper dessus, montrant sa mauvaise foi et montrant à quel point elle se couche devant cette vermine islamique. Et pour Trump, ça a été une grande victoire. Et puis un autre truc, c'est la première fois qu'un chef de l'État, occidental en l'occurrence, mais un chef de l'État tout court, dénonce, image à l'appui, le racisme des métèques contre les Blancs. C'est la première fois. On n'a jamais vu ça. Avec le gamin hollandais blond qui se fait savater par des migrants. C'est la première fois. C'est pas Macron, c'est pas Poutine, c'est pas ces gens-là. C'est Trump qui l'a fait. Donc, pour moi, c'était un grand moment, ça. Léon, ouais, là, Léon voulait réagir, et ensuite Astérix. Oui, merci. Ce qui se passe avec Sadiq le Sadiq, et l'espèce d'impunité dont il jouit à ne pas condamner l'État islamique et à condamner le messager, on le retrouve ici au Canada. Récemment, il y a eu une course à la chefferie au nouveau Parti démocratique, c'est les socialistes, et le chef qui a été élu est un Sikh, Jagmeet Singh. Or, il est religieux et on lui a posé la question à plusieurs reprises, à savoir s'il condamnait le chef de sa secte, la secte à laquelle il appartient, l'espèce de chef spirituel qui a patronné des attentats terroristes. À trois reprises, on lui a posé la question, et à trois reprises, il a refusé de répondre. Il a refusé de se dissocier de violence. Il a refusé d'indiquer sa position exacte là-dessus. Or, il aspire à devenir premier ministre du Canada. Et c'est le même phénomène qu'on retrouve ici. Qu'ont dit les médias, l'insistance à vouloir le faire répondre, c'est du racisme. Ah bien sûr, évidemment, voilà, c'est l'argument, bien sûr. Mais en fait, si t'es Astérix. Attends, il y avait Astérix d'abord et ensuite Hopman. Bah, tout ce qu'on peut espérer de cette histoire, c'est que la brusquerie Newell, quand elle s'exprime en verticale, quoi, c'est-à-dire que ce sont d'un seul coup des élites Newell qui font pression et qui expriment leur opinion, et là on se rend compte vraiment que ça va plus loin, tu vois, parce que par exemple, Macron, il pourrait condamner autant qu'il veut Trump, mais jamais il dirait qu'il faut plus l'accueillir dans le cadre d'une visite diplomatique. Là ça va très loin, tu vois, c'est vraiment de la brusquerie Newell, quoi. On sent le mec qui l'a pris, et d'un seul coup il a l'impression qu'on lui a volé, que quelqu'un d'autre a baisé sa chamelle, quoi. Et il s'énerve bien fou, sauf que les Européens, si tu veux, ne se rendent plus du tout compte de la brusquerie qui s'opère sur le plan horizontal. T'as l'impression que l'antiracisme leur bouffe les yeux quand c'est des gens de leur voisinage et tout. Ils se disent, bon, bah, c'est juste, c'est à cause de la drogue ou à cause de la pauvreté ou à cause de ci ou à cause du rap, machin. Ils n'arrivent pas à se dire que c'est à cause du fait que le mec soit un putain de nul. Par contre, quand ils voient une élite comme ça, le maire de Londres, d'un seul coup, refuser l'accès de son pays au gars qui, lui, en est originaire, tu sais, Trump, grand blond d'1m95 et tout, qu'est-ce que le sadique, va lui interdire d'aller à Londres, tu vois, il se prend pour qui, quoi. Et là, d'un seul coup, ça peut peut-être faire tilter certains de nos contemporains. Enfin, moi, tu sais, j'ai des maigres, des minces d'espoir comme ça. Parce que bon, il se passe tellement de choses que normalement tout le monde devrait se réveiller, jamais personne ne se réveille. Donc moi, ce que j'espère, c'est quand ils arrivent au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau d'élite, et qu'au niveau du pouvoir, vraiment, est-ce que là, les gens vont se rendre compte qu'on a affaire à une sale race pourrie, quoi. Pan. En fait, toujours la même rengaine, quoi. Par exemple, quand des non-blancs quand les nègres et les pépitos élisent Obama, en fait, c'est progressiste, c'est lutter contre la société patriarcale, oppressante, machin et tout. Et quand les blancs font pareil, c'est raciste. Bon, ben là, c'est exactement la même chose, quoi. T'es blanc et que tu vas à l'encontre de la solidarité ethnique que des non-blancs ont au sein de nos pays, parce que ça va à l'encontre de notre bien-être, bah t'es raciste, quoi. Mais quand eux font tout pour saper, en fait, notre socle, qu'il soit ethnique et culturel, bah c'est progressiste, quoi. On est toujours confronté à cette inversion systématique des valeurs, quoi. Et d'ailleurs, un bon moyen de faire percuter les gens, bah c'est de leur faire voir ce double discours. Ouais, il y a ça, ouais. Mais il y a aussi je pense qu'il faut relever ça, Astérix a mis le doigt là-dessus, c'est le degré de sauvagerie que c'est tous ces nègres et tous ces musulmans, tous ces pakistanais. Alors, en l'occurrence, là, c'est des pakistanais. Donc, surtout que la réputation des pakistanais en Grande-Bretagne est absolument immaculée. Hein. Bon, c'est pas le pays de Rotterdam où on viole des milliers de jeunes filles ou de gamines mineures au milieu de tribus pakistanaises. Hein. Non, c'est pas ce pays-là. Donc, tu vois, tu es pakistanais, tu arrives à être maire de Londres. Premier truc que tu fais, tu ouvres grand ta gueule après avoir été avocat de membre d'Al-Qaïda pour imposer un standard moral. Tu vois, ouais, et les Britanniques sont très à l'aise avec ça. Donc, ça montre aussi que ce pays est vraiment. De toute façon, bon, voilà, la Grande-Bretagne. Voilà, historiquement, comme État en Europe, bon, on a vu ce que ça a donné. Hein, c'est 4 siècles à fourrer son nez absolument partout, avec l'aide des Juifs d'ailleurs, pour semer la guerre et le chaos. Bon, finalement, au bout d'un moment, à force d'empoisonner les puits, au bout d'un moment, tu finis toi-même par empoisonner ta nappe phréatique, tu vois. Ils en sont là. Non, mais c'est ça, donc voilà. Alors, ils ont, élu un maire musulman à Londres, qui est une grande ville, une ville reconnue internationalement, qui a beaucoup d'influence. Bah, qu'est-ce qu'il fait, le maire musulman? Bah, il fait son boulot de musulman, c'est-à-dire qu'il essaye d'influencer, comme le ferait le maire de Karachi ou le maire d'Islamabad, voilà, le représentant de l'Occident, truc, machin, islamophobe, et ça n'a pas sa place ici, et puis rendez-vous compte, et truc. Et voilà, et qu'est-ce qu'il a fait au final, Trump? Bah, il a retweeté 3 vidéos, la belle affaire, et pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, quand les Pakistanais sont pas en train de violer des blanches, ils sont en train de se faire sauter dans des concerts. Ouais, il y avait eu encore un truc à Rotterdam, là, je crois, hein, dernièrement, d'ailleurs. Hein. Oh, mais ça n'a pas fini d'arriver. De prostitution de mineurs blanches par des Asiatiques, voilà, avec des grosses parenthèses. Voilà, et donc quand t'as des, puisqu'on sait pas ça, t'as des camions qui roulent sur des gens sur les ponts à côté de Westminster, et puis quand c'est pas ça, t'as des bombes qui pètent dans les concerts, etc. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un groupe radical qui monte des vidéos en ligne. Vous comprenez ? C'est ça l'enjeu. Et oui, du c'est coup, radical d'ailleurs. Voilà. Alors moi, je vais dire un truc, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne, là, parce que la Grande-Bretagne file, bon, c'est pas la seule, mais file un très mauvais coton. Parce que toute sa sécurité et toute sa stratégie reposent sur une alliance avec les États-Unis. Or, à cause de sa population, de sa vermine musulmane, ils sont de plus en plus agressifs avec leurs leur communistes et leurs socialistes à l'égard des États-Unis. À un moment donné, les Britanniques vont devoir tirer les choses au clair. C'est-à-dire que soit ils sont du côté de la Houma, soit ils sont du côté des États-Unis. Mais même pour eux, je veux dire, même pour eux, historiquement, d'accord ? Ceux qui ont joué la carte des États-Unis contre l'Europe, notamment entre 39 et 45, se retrouvent aujourd'hui à devoir choisir entre le Pakistan, la Mecque et Washington. C'est ça, là, maintenant, le choix qui se pose aux Britanniques. Et quand j'ai vu les réactions, moi, de ces progressistes, j'ai vu même des députés du Parti Socialiste, enfin du Labour, Parti Travailliste Britannique, je les ai vus demander l'arrestation. Non, mais des députés. On ne parle pas d'un pimpin qui est, secrétaire d'une section locale, je ne sais où, à Brighton, tu vois. C'est un type. Il parle au Parlement et avec d'autres, il a demandé l'arrestation de Donald Trump s'il mettait le pied sur le sol britannique pour incitation à la haine raciale. Rhétorique, alors pas l'arrestation, mais rhétorique antiraciste reprise telle quelle par le dégénéré avec sa tignasse blonde qui occupe le Foreign Office, hein, Boris Johnson. Et c'est quand même hallucinant le degré de folie qui s'empare du Royaume-Uni à cause des métèques musulmans. Je veux dire, enlevez de l'équation 5 secondes les métèques musulmans. Voilà, il n'y a plus de musulmans en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y aurait ce type de discours ? Simplement. Ça n'existerait pas. Donc, encore une fois, il suffit d'avoir 5, 10, 15% de musulmans pour ruiner un pays. Moi, j'arrive avec ma petite question. Hein, c'est qu'est-ce qu'on attend pour se débarrasser du problème ? Voilà. Qui veut rebondir avant que j'enchaîne avec le dernier sujet qui sera d'ailleurs sur l'Angleterre aussi, parce que quitte à parler d'un panier pourri, autant y aller à fond. Un peuple qui nous tient à cœur. Bah, moi, je parle pas en tant que peuple, je parle en tant que société à un moment donné avec une élite dirigeante. Voilà, moi, je parle de oui, ça. Non, mais le côté un peu aristo, qui est très, très orienté sur les paris aussi, les jeux d'argent, enfin le jeu en général d'ailleurs, des Anglais. Bon, ça explique un petit peu leur propension au départ à se mélanger avec des races un peu bizarres que nous connaissons bien. Personne d'autre sur cette histoire ? Alors, les amis, vous avez donc pas raté cette affaire-là, avant qu'on se fasse une pause musicale, c'est le mariage du prince Harry de Galles, avec une magnifique jeune femme, de 36 ans, qui s'appelle Meghan Markle, hein, alors que la presse britannique... Ils sont albinos. Ils sont daltoniens dans la presse britannique, ils n'ont rien remarqué. Ils n'ont pas remarqué. Avec donc cette jeune femme, enfin voilà. Ils n'ont pas remarqué la belle-mère, la future belle-mère, hein, qui va devenir du coup, quand il y aura... une progéniture. Ah non, il faut la voir. On la mettra quand même en lien sur la page de l'émission, juste quand même pour mesurer ce qui s'est passé, hein, sous le règne de cette très grande reine, quand même, Elisabeth II, hein, qui, d'ailleurs, de son vivant, en fait, l'Empire britannique s'est effondré en luttant contre le Troisième Reich pour finir, en fait, à maquer ses petits-enfants avec de grosses négresses, quand même. Hein. Donc, il y a quand même un fil directeur. Quelque part, moi je disais, à force d'empoisonner les puits, tu finis par détruire ta nappe phréatique. Bon, voilà. Je m'abstiens de commentaires sur le sujet. Qui veut parler de cette mésalliance ? Derek, vas-y, parle-moi un petit peu de ce mariage de rêve, parce que là, ça va être la totale, hein, niveau mariage, ils vont en faire des tonnes. Là. Oui, on va avoir tout le fast, voilà. Les télés du monde entier, voilà la tradition, hein, la royauté, institution millénaire, le roi Arthur, etc. Donc, on va nous vendre l'espèce de... Oui, je pense, mulâtresse, carteronne, hein, je pense. Enfin, Deux minaigresses. Ouais, la mère est déjà un petit peu. Enfin, c'est de l'américain, c'est déjà du mix à 70%. Quoi. Donc, bon, les proportions sont assez inégales. Mais, elle a un nez 100%. Ah oui, le nez, effectivement, est assez coupable. Et c'est la mâchoire de sa fille, hein, qui, là, pour le coup, est assez inquiétante. Hein. Je pense que le cannibalisme ne venait pas très loin. Mais voilà, donc. Je pense qu'on va assister à une expérience inédite. C'est pour la première fois, on va voir un nègre roux. C'est possible. Faut quand même préciser que le prince Harry, enfin, excusez-moi hein, si je suis le seul à le penser, mais il y a quand même une bonne vieille tête de con. Donc, est-ce que vraiment c'est lui qui perd au change dans cette union étrange, dans ce métissage, dans cette soupe infâme ? Je ne suis pas sûr. C'est ça qui m'inquiète quelque part. Je vois le regard du prince Harry, je vois ses mimiques, je me dis, qu'est-ce qui reste en Angleterre hein je n'en sais rien. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que... Alors, elle est divorcée. Alors, très curieusement, on avait fait divorcer un roi avant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il voulait épouser une femme qui était déjà divorcée. Et très curieusement, il était très admirateur d'Hitler et l'avait même rencontré. C'est quand même étonnant, quoi. Hein. Ouais, c'est marrant. Étonnant. C'est rigolo, mais je veux dire, en 2017, on est très libéral. Voilà. Oh bah oui, bah, évidemment, hein, une négresse. Bah, divorcée, comme s'il y avait une lame de fond. Oui, voilà. Dans l'ombre qui agissait, ma foi. Oui, voilà, c'est ça, très bien. Hein, oui, effectivement, oui, c'est curieux. L'araignée, n'est-ce pas, une pieuvre. Oui, des ombres avec cette branche. Je sais pas, des trucs bizarres, mais voilà. Donc, ce n'était pas possible dans les années 30, surtout dans les années 30. Et aujourd'hui, c'est très, très possible. Alors, d'après vous, là, je vous pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Qu'est-ce qui va se passer une fois que cette mésalliance sera devenue fertile et que la couronne d'Angleterre se sera enrichie de nouveaux princes qui seront donc de sang nègre? D'après vous? Alors moi je... Pour les... Attends. Non, moi je serai déjà le prince William. Je ferai gaffe quand je prends l'avion, quoi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer d'après vous pour les blancs britanniques, encore assez nombreux somme toute, qui ne vont pas vouloir être submergés par les bamboulas et qui vont vouloir le faire savoir. D'après vous, quand la couronne britannique va vouloir s'exprimer, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Question. Bah, il va y avoir du laisser-faire, n'est-ce pas, c'est sûr. Ah, d'après vous, le MI6, le MI5, hein, qu'est-ce qu'ils vont rester là? Ils vont dire, ah tiens, c'est marrant, il y a des Britanniques, ils n'aiment pas trop les nègres. Ah bah, ils n'aiment pas trop la couronne britannique, en fait. Ah bah, en fait, ils ne veulent pas tellement... Ah bah, ils n'aiment pas les musulmans, ces pauvres. Ah bah, il va falloir prendre des mesures actives, là. Hein. Voilà. Donc, là, c'est peut-être un petit message. Bah, en fait, quelque part, est-ce que c'est pas un peu le rêve de François Belker qui s'incarne devant nos yeux, quelque part? Je veux dire... le royalisme nègre, c'est pas un petit peu ce qui est en train de prendre corps? Ouais, il y a déjà eu, je crois, une expérience au Liechtenstein, hein, où apparemment il y a déjà un mariage très fertile, hein, dans ce sens-là. Et, j'ai vu ça. J'ai l'impression qu'il y avait Harlem avec des têtes couronnées, effectivement. Il y avait Albert de Monaco, il était. Donc lui, il avait fait aussi. Un gosse, je crois, une hôtesse de l'air, une négresse, donc. Mais il avait eu, lui, donc, la politesse de laisser ça... Il faudrait le remercier aussi, peut-être. Oui, de laisser juste un bâtard, quoi, hein, et puis qui n'est pas chez nous. Oui, mais qui sera quand même pris en charge par le denier, évidemment, de Monaco. Oui, cette énorme mafia qui pompe, qui blanchit tout le fric. de la planète, notamment du trafic de drogue, j'en passe, c'est des meilleurs. Bien sûr, il y a très longtemps que cette espèce de timbre-poste aurait dû être annexé et cette famille de bandits placée en détention à vie. Voilà, c'est tout ce qu'il a fallu. Parce que vous voyez, quand vous les laissez en liberté, ils vont pondre des nègres et qui vont être milliardaires et qui avant d'aller en taule pour meurtre sur fond de trafic de drogue et de comment dirais-je, de proxénétisme, vous crachent à la gueule cordialement en tant que demi-fils de tête couronnée, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça la monarchie européenne aujourd'hui, à oblitérer intégralement. Intégralement, je veux dire, ça n'a plus sa place. Les républiques sont peut-être dégénérées, mais alors franchement, il n'y a pas une tête couronnée en Europe qui sauve la moyenne. Mais pas une, la preuve! La reine Elisabeth II l'a démontré par A plus B, c'est-à-dire qu'elle a rencontré en personne la mère de Meghan Markle, mais il faut voir la gueule de la mère de Meghan Markle, je veux dire. Vous avez l'impression que c'est une négresse du ghetto qui fait les poubelles. Elle il y en a qui peuvent dégager quelque chose, comme le Juan Carlos, là, les pingouins, là, tu vois, il a quand même une belle prestance et tout, mais d'après, dès que tu te penches sur ce qu'ils disent, comment ils gèrent leur famille, et puis même comment ils gèrent leur royaume, tout simplement, ce sont des couilles molles, quoi. Donc plus aucune influence, ils laissent fuir le pouvoir petit à petit, puis ils en ont rien à péter, enfin c'est des grosses merdes, c'est des gros dégénérés quoi. Mais ils peuvent garder la, tu sais, je comprends qu'il y a certains qui y croient encore, parce que le Juan Carlos là, il a quand même de la gueule quoi. Mais Juan Carlos il a abdiqué, c'est son fils maintenant qui lui a succédé. Felipe, non? Ah oui c'est ouais. Vrai, je suis démodé. Alors le Felipe en question, bah moi j'ai vu comme premier acte fort de son règne, après les attentats de Barcelone, c'est de déambuler dans les rues à côté d'une mouquère voilée de 13 ans ou quelque chose comme ça. Là je me suis dit, effectivement, les rois très catholiques d'Espagne, ça vaut vraiment le coup de les foutre en l'air quand même. Ils ne servent à rien, ils ne servent à rien, c'est une escroquerie totale. Ils sont aussi dégénérés que le reste, ils se couchent devant l'islam comme le reste. Ce sont des rois démocratiques. La monarchie espagnole, la condition de son maintien, c'est d'avoir une démocratie complètement décati en place. C'est pas d'incarner aucun principe monarchique, c'est de la merde de toute façon. Donc voilà, il n'existe pas plus que le voilà, pendant très longtemps on nous a agité la reine d'Angleterre. Bon bah voilà, la reine d'Angleterre livre ses fils à la négrification. Voilà, bon c'est face au nez de tout le monde. De toute façon, le prince Charles est un dégénéré de première volée. Moi, je comprends maintenant ceux qui veulent une république en Angleterre. Bon, ça changera rien fondamentalement, mais au moins, ça clarifierait la question. Et puis, on pourrait comme ça continuer dedans. Moi, je crois qu'il y a un roi en Suède. Le roi de Suède, il est en point dans la dégénérescence. Et tous. Charlotte de Monaco, là. Oui. Qui était une Bellefontaine, elle avait été à l'école publique, cette fille-là. C'est incroyable. Pour vous dire, comme ce sont des tarés, quoi. Ils foutent leurs gamins à l'école publique comme des prolos. Enfin, ils en ont plus rien à péter de rien, quoi. Et ben, elle est sortie avec Gad Elmaleh. Elle a fait un gamin avec Gad Elmaleh, quoi. C'est la folie. Ah, je l'ignorais. Charlotte de Monaco. C'est la, ouais, la fille de. Ouais, la fille de Stéphanie. La fille de Stéphanie, je crois. La fille de Caroline. De Caroline, je crois. D'accord, donc le futur prince de Monaco et donc séfarade marocain. Enfin, intéressant, bien. Ah oui, c'est. Oui, bon, bah. Je pensais pas devenir robespierriste, je me surprends avec l'âge, mais voilà, c'est intéressant, effectivement, oui. Bon. On fait une pause musicale, chers amis, et on se retrouve tout de suite après pour parler baby boomer. Hein. Là, ça risque aussi d'être acide. Préparez-vous. Des Volkes selbst, nicht moet lossen met het Duitse parlement. Ik ben als uitzet herausgewachsen. Dit uitzet wordt bij euch gestanden. Voor allem is dan voor vlees, voor laat lernen. Ik kan daar nog honger. Langzaam de voorgearbeiten. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 43. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est récurrent en fait, mais pas tellement abordé ou mal abordé. C'est un sujet en fait qui fait, enfin qui a trait à la confrontation intergénérationnelle. On parle souvent dans cette émission, voire quasi exclusivement, de la confrontation raciale, ethnique, culturelle, religieuse, qui a lieu en Europe, malheureusement, du fait de la politique des forces qui dirigent les États d'Europe de l'Ouest ou les États occidentaux en général. Donc on met beaucoup la focale là-dessus, c'est ce que voient les gens au quotidien. C'est ce qu'ils ressentent aussi le plus directement au quotidien. Mais il y a un autre problème qui est très important, que beaucoup de jeunes des générations ont identifié. D'ailleurs, aussi certaines personnes plus âgées, qui sont honnêtes. Et je vais y revenir, mais j'ai des gens de cette génération-là qui me le disent en toute honnêteté. Ils me disent qu'ils détestent leur génération. C'est en fait la confrontation avec les baby boomers, ce qu'on appelle les baby boomers. Donc les gens qui sont nés après la guerre, immédiatement après, on va dire entre 45, donc c'est un petit peu avant 45 ou un petit peu après 45, mais vraiment, ça peut être entre 40 et 55, quoi, pratiquement, quoi, c'est cette fenêtre de tir-là, et les générations de leurs enfants. Et un petit peu plus tard aussi. Donc c'est quand même assez large comme spectre. Mais c'est un grand mouvement démographique et c'est aussi un grand mouvement sociologique. Puisqu'évidemment, cette génération marque la culture de son époque et la culture étant ici entendue au sens très large, donc politique, économique, etc. Avec des stratégies de domination qui sont mises en place par elle. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'économiquement, mais on va donner le détail un peu plus loin, la génération des baby-boomers, qui peut être aussi la génération des 68ards, est la génération économiquement, socialement, politiquement dominante. Et qu'elle a fait beaucoup de choix cruciaux, stratégiques, et que la génération qui vient, ou que les deux générations qui viennent, vont les subir. Évidemment, ces choix ne sont pour ainsi dire, jamais présenté en tant que tel à ces générations-là, parce qu'elles n'ont tout simplement pas le pouvoir. Donc c'est ça qui est dramatique, en fait, avec les changements générationnels. C'est qu'une génération, en gros, c'est 30 ans, et que le temps, enfin 30-40 ans, et qu'une génération, le temps que vous voyez, vous puissiez juger de ce qui a été fait en bien et en mal, avant que vous puissiez porter un regard critique là-dessus, en fait le mal est déjà fait. Donc c'est pas du tout en temps réel. Ça demande d'avoir vraiment une vision en profondeur, très précise, d'avoir un recul historique que vous n'avez pas. Donc vous devez aller chercher dans les chiffres, les anticipations, ce que très peu de personnes font. Et donc 99% des gens, enfin des jeunes surtout, ne savent pas quand ils vont vers la catastrophe, en fait. Parce qu'ils comprendront quand ils y sont. Donc ça, c'est l'introduction que je voulais faire. J'ai juste envie de commencer par un petit tour de table. Ça, c'est juste un a priori très bref avec nos participants. Donc il y a plusieurs participants de différentes générations qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils pensent. Simplement, leur point de vue, soit sur la génération de leurs parents, soit sur leur propre génération. Alors je vais commencer avec Fred dans l'évier. Alors toi, c'est un sujet qui t'est, c'est un sujet qui te paraît très important. Tu y reviens souvent. Et juste comme ça, à chaud et personnellement. D'où vient le problème avec cette génération si jamais problème il y a ? C'est-à-dire, tu peux parler de tes parents ou de ceux que tu as connus ou peu importe. Voilà. D'où vient le problème chez toi ? Tout simplement, enfin, moi j'arrive à ce constat parce que mon expérience et en regardant les gens avec qui j'ai grandi, bon, faut savoir que j'ai grandi à la campagne quand même, donc j'étais pas non plus dans une banlieue étrange ou je ne sais quoi, mais. Quand je regarde tous les gens avec qui j'ai grandi, même les gens quand j'étais un peu plus âgé, pendant mon parcours scolaire, je pense pas que je puisse en extraire plus de deux ou peut-être trois individus dont l'équation personnelle familiale, c'est-à-dire leur père, leur mère, etc., n'a pas été d'une façon ou d'une autre un désastre. Et un désastre pour des raisons, d'idéologie 68-arde, d'idéologie baby-boomer, c'est-à-dire des gens qui ont, alors soit des gens qui ont divorcé, soit des histoires sexuelles sordides chez les parents, soit des gens qui avaient complètement abandonné en ce qui concernait la transmission des valeurs entre guillemets traditionnelles, l'éducation de leurs enfants, etc. Je peux vraiment compter, je pense, sur les doigts d'une main, sur tous les gens que j'ai connus, sur l'éventail de tous les gens que j'ai rencontrés, ceux qui ont véritablement échappé à ça. Pour moi, c'est un véritable carnage. Donc, je pense que c'est une question qui a son importance. C'est ce qui fait, à mon avis, c'est ce qui explique l'existence du phénomène Soral, par exemple. C'est-à-dire que beaucoup de, notamment dans cette génération, il y a eu énormément d'hommes très faibles, donc beaucoup de petits garçons, par exemple, qui ont grandi sans père véritable, qui se sont tournés vers des gens qui sont apparus dans la sphère publique comme Soral. Et donc, c'est une problématique qui explique énormément de choses. Et évidemment, en termes économiques, c'est une génération qu'on pourrait traiter de cannibale. Et pas seulement de cannibales, puisque le résultat de ces politiques économiques, ça a été véritablement de dévorer l'avenir économique, d'hypothéquer l'avenir de leurs propres enfants. Donc il y a un fameux tableau où on voit classique, où Chronos qui dévore ses enfants. Et moi, c'est l'effet que me fait cette génération-là. Alors évidemment, il y a quelques personnes qui ne correspondent pas forcément aux clichés, tant mieux pour eux. Mais c'est des gens aujourd'hui, dans leur âge plus avancé, qui sont frappants par leur déconnexion totale vis-à-vis du réel. C'est-à-dire qu'ils ont eu des idées, elles n'ont plus cours, si vous voulez, mais elles sont tellement loin de la réalité que ça n'est même plus rigolo, quoi. C'est tragique. Et ils sont, on a l'impression, quand on leur parle, quand on interagit avec eux, qu'ils sont dans un monde alternatif où la réalité n'a plus aucune importance. Ils ne sont pas gâteux forcément, hein. C'est pas des gens qui ont par exemple 90 ans et qui n'arrivent plus à... Non, ce sont des gens dont le cerveau est censé encore fonctionner, mais qui vivent dans une réalité qu'ils imaginent, on dirait, de toutes pièces. Et c'est un phénomène assez... c'est assez inquiétant, n'est-ce pas? Et pour finir là-dessus, enfin moi c'est la dernière de mes dernières choses que je vais dire là-dessus pour le moment. C'est qu'à mon avis, sans que les générations les plus jeunes fassent réellement à un moment le procès de tout ça, sans qu'il y ait un moment de reprise de pouvoir symbolique, spécifiquement vis-à-vis de cette génération-là, à mon avis, il ne peut pas y avoir de rébellion. C'est-à-dire, on aurait envie que les plus jeunes générations se rebellent ou se battre contre des envahisseurs étrangers. Hein. Or, pour l'énorme majorité, ils sont incapables de reprendre le pouvoir, même symboliquement, vis-à-vis de la génération d'avant, de leurs parents, la génération baby-boomer. Et je pense qu'il va être impossible, si cette génération, les générations jeunes d'aujourd'hui ne reprennent pas le pouvoir symbolique, sans juste les laisser crever, de se battre éventuellement contre un envahisseur étranger. Je pense que c'est quelque chose qui va être, si ça n'est pas fait, si on laisse ces gens partir au cimetière tranquillement, ça va être quelque chose de castrateur à l'échelle civilisationnelle et qu'il sera pratiquement impossible de s'en remettre. Mais bon, peut-être que j'exagère, à vous de me le dire. Alors, Derek, les baby-boomers, les 68 ans, qu'est-ce qui t'a... est-ce que toi, pour toi, c'est une problématique ou est-ce que pour toi, pas du tout ? Oui. Problématique énorme, hein, parce que de toute manière, ils sont partout, hein, j'ai envie de dire, pour reprendre pour un titre modifié d'un ancien journal. Comment dire ? Moi, ce qui me marque le plus, c'est leur nuisance sur le... Enfin, oui, leur capacité de nuisance. Ouais, c'est-à-dire, c'est la génération des alchimistes, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont transformé leur emploi. Hein, c'était plutôt dans ce sens-là. Un pays, ils ont hérité d'un pays qui a été reconstruit après la guerre par leurs parents. Où ils avaient des opportunités professionnelles, etc. Ben tout quoi. Et ben là, qu'est-ce que on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on se roule dans le maoïsme, etc., etc. Toute cette génération. Enfin, faut voir hein, ce que c'était les facs et compagnie quoi. Hein, ouais. Ça c'était pour les étudiants. Après, enfin, t'avais les ouvriers communistes. Enfin, c'est absolument ignoble. Donc, bon, ces gens-là ont eu le plein emploi. Ils ont eu des carrières en foutant quasiment pas une, à part quelques professions aujourd'hui disparues dans l'industrie, la sidérurgie ou autre. Mais bon, à part ça, c'est pas non plus. Ouais, ça restait marginal, quoi. Hein. Ils sont les premiers à venir donner des leçons aux jeunes qui cherchent du travail, etc. Pour le moi de mon temps, moi je pouvais faire ci, tu vas voir. Tu veux dire, c'est donner des conseils alors qu'eux, ils avaient juste à sortir sur le bord de. Sur le trottoir quoi, devant chez eux, dire je veux du boulot, tu avais un type qui venait, il t'attrapait. Ouais, c'était comme ça. Donc voilà, la déconnexion du réel dont parlait Frédéric dans l'évier tout à l'heure, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Et c'est aussi une certaine arrogance, quoi, hein, parce qu'ils se sont bien payés. Là, on est en 2017, la plupart maintenant sont partis, ouais, déjà même depuis une dizaine d'années. Ils sont partis, se sont offerts des pré-retraites, les pauvres, hein, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup bossé, mais bon, quand même, ils étaient fatigués, tu comprends. Avoir fait la grève pour augmenter les pauses syndicales, tu vois, ça fatigue beaucoup. Donc, ils sont partis en pré-retraite que nous payons, nous, hein, nous qui n'aurons pas de retraite, hein, quand vous avez votre salaire tous les mois, vous participez à votre ruine, hein, à votre ruine, et à payer des croisières de profs de gauche. Ouais, de profs de gauche, ou même de... Ouais, de toute cette racaille, quoi, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et ça, c'est insupportable. Alors, j'enchaîne avec Astérix, un petit tour de table. Astérix, toi, la génération Baby Boomer, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un non-problème? Est-ce que c'est une fausse équation? Un des nombreux points d'accord que j'ai avec Fredo, c'est que c'est un problème absolument central. Hein. De mon point de vue, si tu veux, mais ça va bien plus loin que ce qu'on pourrait croire être uniquement le gauchisme, mai 68 et tout ça. Moi, je sais même pas si je peux dire que c'est une chance, mais je connais l'autre facette de la médaille, c'est-à-dire que issu d'une famille des deux côtés totalement anti-68arde, et c'est à peine mieux, parce que si vous voulez, évidemment, sur le plan du discours et tout, il n'y a pas tout cet antiracisme et tout ça, c'est pas aussi pesant au dîner de famille et tout ça. Mais en revanche, il y a tout ce côté... oui, dilapideur d'héritage, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne se sont pas inscrits dans l'histoire. Ils sont sortis de l'histoire comme les Africains de Sarkozy, quoi. C'est des gens qui n'avaient ni passé ni futur. Et ça, c'est venu, à mon avis, à partir du moment où l'antimilitarisme s'est inscrit dans quasiment toute la société française. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup, quelqu'un qui était mort pendant la guerre devenait finalement un pauvre con qui faisait la guerre, tu vois. Et en fait, à partir de ce moment-là, il n'y a eu plus aucun respect pour toute notre histoire et plus aucun respect pour la génération qui les a précédés, qui avait fait la guerre, plus reconstruit après la guerre. Et qui, vous savez, comme ceux qui viennent de nulle part et qui accèdent à la fortune, souvent, ils donnent tout à leurs enfants, vous voyez. Parce que, je ne sais pas si c'est le cas de Trump, je ne sais pas s'il vient d'une famille pauvre au départ, mais en tout cas, les gens qui partent de pas grand-chose et qui accèdent à tout, ils vont vouloir tout donner à leurs enfants pour que jamais leurs enfants ne souffrent de ce dont ils ont souffert, quoi, le machin, les railleries des camarades à l'école parce qu'on a des pompes trouées, des trucs comme ça, quoi. Et c'est l'enfant gâté, les enfants gâtés dans la bourgeoisie sont pas aussi gâtés que les enfants gâtés de nouveaux riches. Il n'y a rien de pire que les nouveaux riches. Ils donnent tout à 18 ans, le gamin à la Ferrari. Et ben là, c'était ce truc-là. Vu que c'est une génération qui avait galéré, la génération de nos grands-parents, et ben c'est cette génération de 68 arts. A été surgâté, quoi. On lui a tout donné, on lui a donné les clés du camion, et le fait que d'un seul coup elle se soit inscrite dans un mépris de tout ce qui était militaire, tout ce qui était guerrier, tout ce qui était militariste, ben d'un seul coup il n'y avait plus le respect du sang des morts, puisque le sang des morts c'était le sang de pauvres cons qui faisaient la guerre. Donc c'est, il y a plus le, d'un seul coup tu vois les collabos comme, enfin tu vois les mecs qui fuient la guerre quasiment comme des héros. Et évidemment, puisque d'ailleurs c'était souvent leurs parents, puisqu'il y a aussi ça qu'il faut expliquer, il y a un problème là qui est vraiment purement biologique, c'est que le sang des gens les plus braves a été massacré, quoi. C'est écoulé dans les tranchées de 14-18. C'est un phénomène dysgénique, puisque bah oui, effectivement, les braves vont se faire massacrer, et en fait on garde, on s'assure que survivent les peureux, les planqués, etc., etc. Mais je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu dis, vite fait, sur l'antimilitarisme. Bon, on peut être contre une guerre qui est menée pour de mauvaises raisons, faut pas non plus, voilà. Mais l'antimilitarisme au sens, j'ai envie de dire, pur, etc., en fait, c'est la recherche de l'évitement de la confrontation, c'est-à-dire d'éviter totalement, enfin, c'est ce qui aboutit à ce qu'on appelle le pacifisme. On va chercher à éviter systématiquement la confrontation. Et au final, à moins que tout le monde autour de la table soit pacifiste, bah forcément, tu finis par te faire piétiner par quelqu'un d'autre. Donc, cet antimilitarisme et cet anti... Et ça se voit d'ailleurs, c'est des choses qui se répercutent jusque dans l'éducation nationale, ou quand on a des conflits à l'intérieur de l'école, à un niveau micro, on va chercher systématiquement à désamorcer, à éviter, à réexpliquer, etc., etc. Et en réalité, l'aboutissement de cet antimilitarisme qui est de l'anticonfrontation, enfin anti-rapport de force, bah, l'aboutissement de tout ça, c'est le suicide. C'est-à-dire le suicide à l'échelle civilisationnelle. C'est-à-dire tu ne défends plus rien, tu ne veux plus te confronter à l'autre, en fait, à tes ennemis ou à un compétiteur, etc. Et donc, bah, tu finis par te suicider tranquillement, dans la paix, la joie et la bonne humeur. Bon. Oui, je crois que c'est ça, en fait, l'aboutissement de leur philosophie, c'est juste le suicide à grande échelle. Alors, Fulbert, t'as, on va dire, un âge qui s'approche de cette génération. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que c'est bullshit, ou est-ce qu'il y a une part de vrai, ou est-ce que c'est exagéré? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il y a énormément de choses à dire, je trouve, là-dessus, presque domaine par domaine. Moi, je le vois, disons, superficiellement, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'était presque mon âge. Non, c'est mon âge. J'ai eu 20 ans en fin 68, et on a coutume de dire que, comme paraphraser certains qui se targuaient d'avoir eu 20 ans en 68, because révolution de mai 68, en fait, je vais un peu vous exposer pas longuement, comme moi je le vois. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu toute une série de révolutions et un grand nombre d'États qui se sont effondrés sous les coups, le butoir des révolutionnaires. Ces révolutionnaires étaient encouragés ouvertement par les vainqueurs. Après la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs ont compris une chose, c'est qu'il ne fallait pas favoriser des mouvements qui allaient tellement transformer les sociétés en général, qu'à la limite, il faudrait se réaligner, se remettre sur la bonne longueur d'onde pour restructurer la société, l'organiser et surtout la contrôler. Et rappelez-vous cette image que beaucoup de gens donnent en disant, voilà, en 19, l'Allemagne était complètement écrasée, je prends le cas de l'Allemagne, l'Allemagne était complètement écrasée, et on l'a fait crever de faim pendant une bonne dizaine d'années. Bon, les vainqueurs occidentaux, en tout cas, avaient compris que mais il fallait pas recommencer ce jeu-là, sinon 20 ou 30 ans plus tard, il y avait Adolf Hitler version 2. Donc, cette image est bien connue. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit qu'il valait mieux canaliser les revendications des peuples, parce que les peuples, après toute guerre, les peuples, logiquement, demandent des comptes. Ils se demandent pourquoi ils ont été écrasés, pourquoi on a laissé faire ceci et pas cela, etc., etc. Donc, il a fallu un petit peu canaliser toute cette énergie potentielle de gens mécontents et les satisfaire au maximum, y compris le vaincu allemand qui était le maudit parmi les maudits. Et on a relancé la société occidentale tout en l'occupant, parce que ceux qui croient que les anglo-saxons nous ont libérés pour l'ouest de l'Europe, ben, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Donc ils ont réorganisé tout cela, ont essayé de satisfaire les gens, de les occuper. Il y avait la reconstruction pour cela, et on a occupé les gens. On les en a tellement occupés qu'on a attrapé dans les années 60, paraît-il, les Golden 60s, qu'on a attrapé les gens, les femmes en particulier, et on les a mis au travail, au détriment, vous l'avez compris, bah, déjà de naissance, au détriment de la vie de famille, etc., etc. On a attrapé les jeunes aussi. On leur a dit, bah, écoutez, croyez-moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. On leur a dit, vous savez, les vieux, sous-entendu les parents, ils comprennent rien. À vous, vous êtes d'une génération différente, vous êtes plus libre, plus révolté, vous canalisez mieux vos connaissances. Les vieux, ils sont dépassés, ils comprennent rien. Pour cela, on a employé des tas de méthodes, culturelles principalement, que ce soit par la lecture, que ce soit par l'audio, c'est-à-dire la musique, le rock. Le rock était un excellent moyen de détourner les jeunes de leurs parents. Et tout est parti en couille comme ça. Et ça s'est développé avec le temps jusqu'à atteindre aujourd'hui un point pas croyable où les gens sont devenus de véritables zombies, comme plusieurs d'entre nous l'ont dit avant moi, où leurs enfants eux-mêmes bah, n'ont pas une grande source d'inspiration. En tout cas, leurs parents n'auront pas grandement servi dans ce domaine. Et on arrive, et de génération en génération, ça va être pire. Alors, les 68 ans ont une grande responsabilité, c'est vrai. Les gens qui avaient 20 ans en 68, ils ont produit matériellement, mais intellectuellement, finalement, ils n'ont pas produit grand-chose. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, regardez les gens qui étaient des modèles, disons jusqu'en 1945 et même dans les quelques années qui ont suivi, qu'ils se soient des écrivains, des philosophes, des acteurs, tous ces gens-là, en France, et en tant que Français, ont disparu. Mais c'est pareil dans les autres nations de l'Europe occidentale et des pays blancs en général. Et on a remplacé ça par quoi? Ah non, pas peur des mots. Des acteurs nègres, des producteurs juifs, mais ça c'est de toute époque, des fantaisistes juifs, On apprécie l'humour juif en particulier. Regardez qui sont les grands comiques aujourd'hui en France, etc., etc. Et en fait, on s'est fait peu à peu remplacer. Et la prise en main que j'accusais, que je dénonçais tout à l'heure, elle est devenue totale. Et pour s'en sortir, il va falloir, à mon avis, sérieusement relever ses manches. Je peux réagir juste sur une chose là-dessus, c'est quand tu dis que tu expliques un petit peu cette histoire par le fait qu'on a pris les jeunes et qu'on les a remontés contre leurs parents, voilà, parce que les vieux ne comprennent rien, etc. Mais je veux dire, ça, c'est un tour de magie qu'on applique depuis à tous les jeunes, c'est-à-dire moi aussi, en grandissant, voilà, quand tu te fais attraper par la télé. Il y a toujours un juif pour nous balancer ça. Oui, non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est ou le rock, la musique, etc., enfin, tout ce qui peut contribuer à te dire, voilà, en gros, rebelle-toi contre tes parents, c'est des vieux cons, machin, etc. C'est des excuses qui sont valables quand tu as quand t'as 15 ans, peut-être, tu vois. Et encore, tu peux pousser encore un peu plus, selon ta vitesse de maturation intellectuelle, tu peux peut-être pousser jusqu'à 20 ans ou même 25 ans pour le pire, mais... c'est des excuses qui valent pendant un temps, mais au bout d'un moment, la plupart des gens, même aujourd'hui, même dans le système dans lequel on est aujourd'hui, ils sortent de cette phase-là, de cette phase de rébellion. C'est-à-dire que, voilà, ils se rebellent un temps contre leurs parents, enculés, machin, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que finalement, oui, il faut quand même rentrer un petit peu dans le rang. Il y a certaines. Oui, voilà. Nous, je pense pas que notre génération va produire des Bernard Lavilliers, quoi. Et alors, ce qui est frappant avec les 68ards, la vraie différence, c'est que tu as l'impression, quand tu les vois, quand tu les observes, quand tu leur parles encore aujourd'hui, ils ne sont jamais sortis de cette phase. Ils y sont restés coincés. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas avoir les mêmes à 60 balais, 65 balais, etc. Ils sont là en mode bouffeur de curé, Charlie Hebdo, machin. Ils n'ont jamais... C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais adolescent, j'ai lu des trucs à la con, genre l'écho des savanes, enfin des trucs voilà, de gauchistes... Flux glacial... Il y a, enfin, c'est des trucs de gauchistes qui avaient des rapports. Vous noterez, parenthèse, Guillaume Erner est rentré à Charlie Hebdo en 2015. Parenthèse, voilà. Non, mais tout ça pour dire que ce qui est frappant avec les 68ards, c'est qu'ils ne sont jamais sortis de là. Il n'y a jamais eu de prise de recul, de retour à la réalité. On dirait qu'ils sont coincés dans une bulle, quoi. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans une bulle où on leur a dit, voilà, les vieux cons, machin, les curés, faut bouffer du curé, faut ceci, cela, et puis ils n'en sont jamais sortis. Et c'est frappant. Bah, et c'est ce qui va se passer. Enfin, là, je vais enchaîner, parce que je dois finir le tour de table avant de parler sur les sujets chauds de cette génération, ou de ce qui tourne autour. En fait, c'est un peu inévitable, c'est-à-dire que ces gens-là sont en train de sombrer dans la sénilité. Donc, je parlais de Charlie Hebdo, mais Charlie Hebdo est assez symptomatique de ça. C'est plus compliqué avec Charlie Hebdo parce que c'est quand même assez politique, c'est assez instrumentalisé. N'ayons pas peur des mots, Charlie Hebdo est instrumentalisé par les juifs. Bon, voilà, c'est Bernard-Henri Lévy, etc. Donc, voilà, c'est tout à fait clair, mais je veux dire, c'est quand même symptomatique d'une génération, mais il y a d'autres, voilà, il y a effectivement, il y a d'autres vecteurs de cette culture, et en fait, comme il le reprochait à la génération précédente, en disant, vous changez pas, vous évoluez pas, vous êtes cons, vous comprenez rien, vous êtes coincés et tout, en fait, on a le phénomène des vieux jeunes, quoi, tu sais, du jeunisme chez les vieux, qui est assez flippant, tu vois. C'est-à-dire que les types, ça donne Cohn-Bendit, en fait, sur Europe 1. C'est-à-dire que Cohn-Bendit a 70 balais, il n'a pas vraiment un track record. Je veux dire, vous pouvez avoir un exemple, un anti-68ard, enfin, il n'est pas vraiment anti-68ard, mais vous pouvez avoir un mec comme Trump qui a 70 balais, si vous voulez, qui pète le feu, qui renverse la table, et qui a pour lui en fait de tenter sa chance et de réussir, si vous voulez, dans une époque et enfin en jouant contre sa génération en réalité, parce que toutes les idées qu'a véhiculé sa génération, Trump ne les défend pas en réalité. Alors est-ce que lui à titre personnel il y adhère ou pas? Bon, ça c'est un autre sujet. Il y a probablement une partie d'entre elles qu'il reprend à son compte, peut-être personnellement, je ne sais pas. Le fait il a été divorcé plusieurs fois, bon, des trucs comme ça, il est peut-être pas très traditionnel à ce niveau-là, bon, peu importe. Et globalement, il essaye de... Il renverse la table sur pas mal d'idées préconçues chez les gauchistes, qui sont des 68ards, quoi. Et en fait, chez nous, on a des caricatures, enfin, c'est quand même dingue. Je veux dire, Cohn-Bendit était un mec qui lançait des pavés sur les flics depuis la Sorbonne, en voulant foutre dehors De Gaulle de l'Elysée. Si vous lisez la presse ou tapez Cohn-Bendit Élysée, vous allez découvrir qu'en fait Cohn-Bendit, quand il fait un navet, un documentaire à la con, le premier endroit où il le diffuse, c'est à l'Elysée, devant le président en place, etc., qui était un président socialiste ou Macron, peu importe. Et il est sur Europe 1, il répond à la bonne parole, et il n'y a jamais personne qui va voir Cohn-Bendit en lui disant hey, « Hé, toi, t'as 70 balais, t'es un vieux con, fais la place aux jeunes un petit peu, là. » Ça n'arrive jamais. Donc ces gens, il n'y a aucune raison qu'ils lâchent dans 5 ans, ou qu'ils lâchent dans 10 ans. Donc dans 10 ans, quand ces mecs-là auront 80 ans, ils seront encore là en train de tenir le truc et ils ne céderont rien, c'est-à-dire qu'ils s'appuieront sur ce qu'ils percevront comme leurs auxiliaires, à savoir les métèques de toutes les couleurs, hein, vraiment, les nègres, machin, en y voyant en fait leur fils spirituel. Et là, il y a un truc qui est assez profond, qui est le fait de déshériter leurs enfants naturels. Donc en fait les Français de souche, quoi, les jeunes Français de souche, de les déshériter sciemment pour ne pas perdre en fait la guerre au plan historique, la postérité en fait. Donc pour pas perdre, c'est vraiment une question narcissique, quoi, pour pas perdre sur leurs idées, ils s'appuient bien sûr pour des raisons bien comprises, on va y revenir, sur les métèques, mais aussi pour une question symbolique de domination. Et c'est très bizarre. Et là aussi, je vais y revenir, mais pas maintenant. Certains métèques reprochent à ces gens-là qui les ont fait venir, qui leur ont donné le beau rôle, d'être ingrats avec eux. Donc c'est assez rigolo, parce que franchement, les seuls vraiment grands perdants politiquement, culturellement, vis-à-vis de cette génération, c'est vraiment leurs enfants, quoi. Et pour moi, il y a une politique de... Il y a la volonté de déshériter vraiment les jeunes blancs. Et tu parlais de Chronos dans l'évier, tu parlais du fait que ces gens-là se dévorent leur progéniture pour se nourrir et survivre à leur propre progéniture. C'est absolument correct. Et je pense que ça va tellement loin que ça explique pratiquement tout le phénomène de l'immigration. C'est absolument, pour moi, moteur, parce que c'est évidemment pas les jeunes blancs de 25 ans, aujourd'hui, qui décident de la politique d'immigration en France. Et ils ont décidé encore moins il y a 45 ans, pour la bonne et simple raison qu'ils n'étaient pas encore nés, quoi. Donc, voilà. Je vais enchaîner avec Hopman, qui va nous dire ce qu'il pense, et Léon, et ensuite, je vais revenir sur des points très précis, avec des chiffres... Pour étayer la discussion. Ouais, bah écoute, vous avez déjà quasiment tout dit, je vais pouvoir juste rajouter un truc, c'est que je pense que les idées mettent du temps à pénétrer les sociétés, donc généralement on dit que ça prend 15-20 ans. Là, c'est peut-être quelque chose qui a pris beaucoup plus de temps, puisque la société européenne était encore virile, résiliente, et... Il y a une idée qui avait été développée durant la Révolution française, peut-être que toi tu pourrais en parler mieux que moi, Gandalf, mais c'était la lignée, en fait. Ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à la Révolution française, il y a eu l'idée de détruire cette notion de lignée, de paternelle, donc bien sûr, de détruire le père, parce que c'était quelque chose qui était de l'idéologie bourgeoise, qui était quelque chose qui était vraiment contraire au principe que voulait porter la Révolution. Et en fait, je pense que ce à quoi on est confronté, eh bien, c'est la conjonction de plusieurs malheureusement phénomènes cataclysmiques, quoi. C'est-à-dire que on a effectivement les meilleurs d'entre les Européens qui meurent comme des porcs égorgés sur le champ de bataille de guerre, on a les faibles et les couards qui prennent la place dans la société, on a les joueurs investisseurs qui sont élevés à la suite de tout ça, donc bien sûr, qui ne pensent qu'à leur confort. Et bah moi, ce que je vais leur reprocher, c'est ce que vous leur reprochez aussi, c'est-à-dire que pour moi, ces gens-là sont inconséquents, ils n'ont pas de vision à long terme, ils se préoccupent uniquement de leur, soit de leur petit bien-être ou leur petit patrimoine, soit de leur jouissance, en fait, juste de leur petit trou de balle, quoi. Ça pisse pas plus loin que ça. Et ce sont des gens qui, qui vous donnent des leçons, qui vous disent « oui, mais tu comprends, moi, à ton âge, à ton âge, connard, c'était pas la même société, quoi. Vous aviez pas le pays qui était rempli de métèques, que vous aviez pas des fils de pute au pouvoir. » Ça peut-être, il y a déjà des fils de pute au pouvoir, mais c'était vraiment pas la même société, quoi. Et j'ai beaucoup d'exemples, de 68ards ou de baby-boomers comme ça, de gens de 60 ans dans mon entourage, que ce soit en France ou ailleurs. Ce sont des gens qui, comme vous l'avez dit auparavant, qui ne veulent pas aller au conflit. Hein. C'est-à-dire que les mecs, ils vont te dire « ouais, il y a trop de Pakistanais, il y a trop de ci, il y a trop de ça », mais quand leur fille, elle se fait draguer par un réfugié syrien, ils disent rien, parce que tu comprends, ouais, mais c'est ma fille unique, c'est ma petite fille chérie, j'aimerais pas me froisser avec elle, et puis de toute façon, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Effectivement, les baby-boomers sont des gens qui ont abandonné... Alors, je pense qu'on peut, voir ça. On peut voir les gars qui font partie de l'élite, enfin pseudo-intellectuelle, en fait, à la Cohn-Bendit et compagnie. Eux, ils ont clairement une volonté de puissance, puisqu'ils sont au pouvoir. Et d'ailleurs, ils la conservent, hein, ils ne veulent pas lâcher cette volonté-là. Et puis après, il y a malheureusement la masse des baby-boomers ou des 68ards qui, eux, n'ont pas forcément cette énergie-là pour résister, mais qui ont vraiment bien ingurgité toute la chiasse ambiante, quoi. Et donc, ce qui fait qu'on est coincé entre... On a le cul entre deux chaises, quoi. On a les connards au pouvoir qui vont pas lâcher le morceau, et puis on a les faiblards qui sont quand même issus de la même génération et qui, eux, n'ont absolument aucune envie de révolte, et parce que déjà, ils ont plus l'âge, et puis de toute façon, ils ont leurs petits acquis, et puis voilà, quoi. Et donc, comme je dis souvent, c'est la victoire ou la mort, en fait, puisque soit les jeunes générations, on arrive, avec l'aide de ceux qui sont un petit peu plus âgés et ouverts, à renverser la machine, soit les peuples européens sont dans une merde infâme. Alors, il y a Léon aussi, bien sûr, qui voulait donner son mot, je présume, en tout cas, je lui donne la parole. Absolument. Écoute, moi, j'ai 52 ans. Mes parents sont de la génération d'avant les boomers, et moi, je suis de la génération d'après les boomers. Bon, certains disent que ça va jusqu'à 66, moi, je suis né en 65. Il y a d'autres qui disent que ça se termine en 61. Dans tous les cas, économiquement et socialement, ma génération n'a pas connu les conditions des boomers. Ce que j'ai pu observer à travers les années, c'est que c'est une génération qui a reçu de celle d'avant, et en fait de toutes celles d'avant, et qui ont décidé de garder pour elles. Ils ont cessé de transmettre. Ça peut être du patrimoine, mais ça peut être aussi toutes les valeurs ancestrales, y compris la religion ou la pratique religieuse. Ce sont des gens qui étaient, là je parle plus spécifiquement peut-être du Québec, ce sont des gens qui étaient moins bien formés et qui, une fois en place, se sont mis à exiger plus de ceux qui sortaient des écoles. Ce sont les partisans de ce qu'on a appelé les clauses orphelins en entreprise, ou quand des syndicats avaient fixé des conditions de travail en accord avec le patronat, et que le patronat demandait des réductions de salaire. Alors, ce qu'eux faisaient, c'est qu'ils disaient « Vous ne touchez pas à nos conditions, mais on vous permet d'embaucher ceux qui entrent à 25, 30, 40, 50 % moins cher de l'heure. » Ce sont des gens qui ont et qui continuent de dilapider leurs gains en Floride 6 mois par année, et jamais plus que 6 mois, sinon ils perdent leurs bénéfices au Québec. Et ce sont des gens qui ne laisseront rien à leurs enfants, contrairement à toutes les autres générations précédentes. Évidemment, ça va avec les conditions de vie. Il y a des boomers qui sont restés pauvres, mais la majorité se sont considérablement enrichis par rapport à leurs parents. Ce sont des gens nombrilistes qui voulaient se faire aimer au lieu d'éduquer leurs enfants correctement. Ce sont des gens qui ne sont pas loyaux en général. Tout ça, c'est de la généralisation, hein? Ce n'est pas d'application universelle, mais c'est suffisamment répandu pour qu'on en fasse des règles générales. Et ils ont empêché les générations suivantes de produire des racines parce qu'ils ont justement cessé de transmettre. Les boomers, c'est la coupure civilisationnelle de l'Occident. Voilà. Oui, générationnellement, c'est vrai, c'est très bien observé ce que tu as dit. Générationnellement, c'est presque l'incarnation du principe révolutionnaire, en fait. Donc, du principe de rébellion, du principe de table rase. Effectivement, mégalomaniaque, hein, on va tout réaliser. D'ailleurs, je vais pas tout enlever à cette génération, il y a beaucoup de choses qu'ils ont réalisées. Je veux dire, enfin, je vais pas juste dire que c'est juste des gens qui ont profité. Mais c'est une consommation d'énergie intense au détriment à la fois des générations précédentes et des générations suivantes, avec des conséquences en fait apocalyptiques, tout simplement, et dont on n'a pas vu, fini de mesurer les effets. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Buisson qui a décidé d'en parler. Ça vaut le coup d'être lu, en fait. C'est un propos qui était vraiment lumineux. Alors, Patrick Buisson, vous le connaissez, hein, c'était le stratège de Sarkozy en 2007. Il a été à présent, il s'est occupé de la chaîne Histoire et tout. Bon, c'est quelqu'un dont on peut dire que le jugement, quand même, politique est assez fin. Enfin, en tout cas, de l'époque. Voilà, il a une formation, je crois, monarchiste de l'Action française. Intellectuellement. Je ne crois pas qu'il soit monarchiste au sens strict, mais c'est sa formation intellectuelle. Voici ce qu'il nous dit. C'était dans la revue Éléments, avait pour une fois du flair. Il pose la question justement à propos de cette question de 68, de la génération 68, voilà, de qu'est-ce qu'il en disait. Alors, à propos de la génération 68, voici ce qu'il dit. Enfin, donc des baby-boomers nés après la guerre. Il dit oui, c'est la mienne, c'est ma génération. Sa réussite peut être méprisée, mais elle est indéniable. Peu de classes d'âge auront eu une telle emprise sur la société française. C'est la classe des miraculés de l'histoire. Elle a échappé à la guerre d'Algérie. Elle est arrivée sur le marché du travail à l'époque du plein emploi. Elle a pu profiter d'une sexualité agénésique grâce à la pilule et à la contraception. Elle a littéralement réalisé son programme qui était de jouir sans entrave. Finalement, elle est parvenue à imposer sa domination politique, économique et sociale aux générations suivantes. Un système qui repose sur les transferts massifs des jeunes actifs vers les seniors pour financer le régime des retraites et le système de santé. Ainsi, l'écosystème de la génération des baby-boomers s'est-il peu à peu transformé en un égo-système proposé par un simu comment dire, troposé, voici ce qu'il dit, troposé par un simulacre de démocratie à l'ensemble de la société. Car c'est bien à travers le système électoral que la génération 68 a pu perpétuer sa domination. Au XIXe siècle, on a eu recours à la loi pour imposer le suffrage censitaire, donc sur la base de l'impôt. Aujourd'hui, les classes dominantes n'en éprouvent même plus la nécessité. Elles l'obtiennent de facto. Il leur suffit de neutraliser le vote populiste en l'excluant de toute représentation par le mode de scrutin et de provoquer l'abstention massive de l'électorat populaire qui, convaincu de l'inutilité du vote, se met volontairement hors du jeu. Dans notre post-démocratie, c'est le sens qui fait sens. Alors, le sens au sens de vote censitaire, quoi. C'est l'argent, en fait. C'est le fait d'être un rentier qui donne le pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de Patrick Buisson, qui est une réflexion socio-économique, hein? Il dit voilà, en gros, les 68ards, les boomers ont mis en place une stratégie de prédation. Ils ont conquis le pouvoir, ils sont plus nombreux. Et ça, c'est un truc qui est jamais relevé. C'est-à-dire que ces gens-là, enfin, c'est connu, quoi. Si on appelle le baby boom, il y a une raison. C'est qu'ils sont nombreux. Très nombreux. Et ils ont fait beaucoup moins d'enfants. Et la démographie, comme vous le savez, est cruciale dans la formation même d'un pays. C'est le pays en lui-même, c'est la chair du pays. Donc, ces gens-là sont très nombreux, deviennent, grâce au déséquilibre démographique et à la pyramide des âges dominant, à la fois pour une raison temporelle, c'est-à-dire qu'ils arrivent tout en haut de la pyramide, mais en même temps, ils sont plus nombreux. Donc le déséquilibre fait sentir tous ses effets, et en plus, ils sont plus riches. Et là, il y a une génération, en fait, bah, ceux qui viennent après, qui ne possèdent pas de pouvoir économique, social, politique, culturel, se voient imposer, comme vous l'avez vu, mais on va y revenir, l'immigration, mais n'a pas les moyens, en fait, de contester le système. Et c'est ce que dit Buisson. Il dit, c'est redoutable, parce qu'ils n'ont plus besoin de créer un système de vote qui fasse semblant d'être démocratique, en fait, puisqu'au fond, ils sont les plus nombreux, les plus riches, les plus influents, ils contrôlent l'appareil, les médias, ils écartent les contestataires ou les neutralisent, donc ce qu'ils appellent la France périphérique, et donc, voilà, on a des jeunes déclassés, voilà, des chômeurs, des précaires, qu'ils soient blancs ou immigrés, d'ailleurs, hein, mais voilà, on les met de côté, voilà, on contrôle le cœur du système. Et ce système dure, et ne peut pas être vraiment contesté par la force pour des raisons d'argent et des raisons de nombre. Alors, avant que j'enchaîne, je prends là comme ça une réaction à la volée, quoi. Le propos de Buisson, qui a envie d'y réagir là ? Qui s'y retrouve ? Il n'y a pas grand chose à en dire. Enfin, il a raison à peu près sur toute la ligne. Stratégie de prédation, oui. Enfin, c'est assez inédit. C'est-à-dire que la stratégie qui consiste à extraire tout le jus vital de tes propres enfants pour te préserver jusqu'au plus l'âge le plus avancé, c'est inédit, oui. Oui, il y a un truc aussi qui pose question sur la représentation du monde que cette génération a pu développer plus qu'une autre. C'est le fait que c'est probablement la génération qui a été conquise le plus par l'athéisme ou l'agnosticisme. C'est-à-dire, bah, au fond, il n'y a pas d'après. Je veux dire, il n'y a pas de vie après la mort, ou on n'est pas sûr. Enfin, c'est une hypothèse, et tu n'as pas envie de miser sur un truc comme ça, en fait. Et ces gens-là qui sont, et comme il dit Buisson, quoi, jouir sans entrave, c'est-à-dire, soyons dans la jouissance immédiate, la religion et l'opium du peuple, oui, donc cette espèce de matérialisme. Ils sont en même temps, c'est la combinaison de l'athéisme et de l'antiracisme, parce que même en étant athée, tu peux considérer que, en fait, la façon bassement matérielle de laquelle l'immortalité, avec laquelle l'immortalité t'est accessible, c'est en faisant passer tes gènes à ta progéniture, etc. Alors, c'est une forme d'immortalité, mais effectivement, si tu crois à la race, à la biologie, tu as une raison de perpétuer tes gènes, etc., etc. Mais donc, cette génération, il y a la combinaison effectivement de l'athéisme, donc pas de vie après la mort, etc., bon, on s'en fout, et la combinaison de l'antiracisme, ce qui donne un cocktail qui, à mon avis, on peut le voir, a des effets particulièrement intéressants. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que en fait, ils sont dans l'athéisme qu'ils ont, c'est il y a pas de raison de faire des sacrifices déjà. Il y a pas de raison de retenir son appétit pour le plaisir, en fait, tu vois. Voilà, je vais pas être puni, je vais pas de machin, etc. Donc voilà, donc j'ai un temps limité, il faut que j'en profite. Tu vois, le côté, voilà, je me fais plaisir, j'ai un ticket, voilà, j'ai payé ma place, bon, je l'ai pas payé vraiment, mais bon, j'ai un ticket, maintenant je vais en profiter, quoi. Le buffet est gratuit, maintenant je vais vraiment me lancer, quoi. Et en fait, il y a cette espèce de frénésie comme ça, de fuite en avant, et derrière, après moi le déluge, quoi. C'est un peu la génération après moi le déluge. On s'en fout complètement des conséquences et tout, parce que le point cardinal, c'est de profiter de l'instant présent. Alors, comme dit Buisson, jouir sans entrave. Voilà. Jouissons sans entrave. Et ne serait-ce que se poser la question morale, la culpabilité, c'est pas tellement important, au fond. Voilà, c'est une question de bien-être. Moi, je suis bien avec moi et tout, machin. Il y a même des... Alors, je dis pas que tous les gens de cette génération sont comme ça, j'insiste bien. Tout le monde n'est pas comme ça, hein, dans cette génération, du tout. Mais je veux dire, les plus emblématiques, ceux qui ont le plus marqué leur génération, inspiré les autres, directement ou indirectement, c'est en gros, bon les gars, on va se faire plaisir, on va se remplir la panse, et puis ensuite, bon, pff, advienne que pourra, quoi. Et effectivement, tu peux pas bâtir une civilisation là-dessus. Tu peux pas maintenir une civilisation là-dessus. C'est-à-dire que dilapider ne permet pas de maintenir quoi que ce soit, par définition. C'est-à-dire que c'est des générations d'efforts, et soudainement, il y a une génération qui arrive et qui dit « Non, le principe fondamental de la société, c'est pas l'effort. C'est pas l'économie. C'est la fête. C'est s'amuser, en fait. » Voilà. Et bah oui, il n'est pas du tout étonnant que tout d'un coup, ah bah il n'y a pas de transmission. Bah non, pourquoi transmettre? Ça sert à rien. Transmettre quoi? On s'en fout, parce que de toute façon, après-demain, on sera pas là. On en a à foutre. Le truc intéressant, c'est est-ce qu'on s'éclate? Et je pense que c'est vraiment marquant. Ce procès n'a jamais été fait à cette génération, fondamentalement. C'est un procès qui a jamais été fait. Il n'y a jamais eu un rejet. T'as dit un truc très fort tout à l'heure, Fred, dans l'évier. T'as dit, si les jeunes, en fait, ne rejettent pas la génération 68 ou les baby-boomers, et surtout avec les bons arguments en disant « Non, ça, on n'en veut plus », en fait, ce serait une dégénérescence acquise, en fait. Bah, ce serait une... Moi, le terme que j'ai employé, c'est une castration symbolique de laquelle il serait très, très, très difficile... probablement impossible de se remettre. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas laisser ces gens crever tranquillement. Ça serait dramatique pour la race blanche à l'échelle globale. Si oui, mais tu sais bien. Gens, si on laisse ces gens s'en aller tranquilles, ça va vraiment, à mon avis, rendre. Enfin, il va y avoir un côté incapacitant. Si on s'interdit d'en parler jusqu'à ce qu'ils disparaissent, il n'y a pas de raison qu'on en parle après. Donc on aura laissé passer... Je veux dire, il y a un vrai problème quand tu laisses passer des crimes. Voilà, il y a des crimes qu'on laisse passer parce qu'on est impuissant, etc. Ça, mais là, ah ouais, ça fera une distorsion cosmique, quoi. Il y aura un problème de... Voilà, il y a un procès à faire qui est le procès de la génération de nos parents. Pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est mon cas. Je pense beaucoup d'entre nous ici. Et si ce procès n'est pas fait publiquement à un moment et de façon, je ne sais pas à quel degré de violence, mais ça impliquerait un certain niveau de violence, je ne pense pas qu'on s'en relèvera spirituellement. En fait, il n'y a pas besoin d'être violent, il y a juste besoin de ne pas avoir l'indulgence qu'on a normalement pour un ancien. C'est-à-dire considérer, vous voyez, par exemple, je m'adresse à quelqu'un de 70 ans qui a du vécu et tout ça, bah j'ai une certaine déférence. Avec ces vieux-là, il faut les considérer comme ce qu'ils ont toujours voulu être, c'est-à-dire des jeunes. Donc on les traitera comme des jeunes cons, y compris quand ils auront 90 balais et qu'ils pourront plus rien foutre. On les traitera comme des jeunes cons de A à Z, avec tout le mépris que ça implique et tout le... Voilà, il faut juste les traiter comme finalement ils l'ont réclamé. Et ça sera le juste retour des choses. Il n'y a pas besoin d'être violent physiquement, évidemment. Pas avec une génération de... Pas avec des gens de 90 ans, quoi. Oui, mais tout ça, c'est bien beau. Et la condition essentielle pour pouvoir faire ces procès, c'est d'être les gagnants. Les vainqueurs écrivent l'histoire et dictent les conditions. Et pour le moment, je vois mal comment les générations post-boomer pourrait arriver et reprendre ce pouvoir-là. Nos esprits ont été contaminés. On a une sorte d'inhibition interne qui a été internalisée avec le temps. Et ma foi, à part des gens qui ont l'esprit un peu plus clair que les autres, dont cette auguste assemblée, je vois mal comment ça pourrait être fait. En fait, il y a un truc très simple. Pour moi, c'est toujours... jouer sur ce que les gens te donnent, en fait. C'est-à-dire que tu as pas mal de gens dans les jeunes qui sont mécontents de la situation, seulement ils n'arrivent pas à mettre un doigt sur les problèmes. Tu as pas mal de mecs de 30 ans qui taffent, qui n'ont pas de relations stables avec les nanas, qui sont pas forcément heureux dans la vie. Alors, déjà, quand tu es un peu comme ça, c'est déjà que tu réfléchis un petit peu, parce que le mec qui est con, même s'il est célibataire, il s'en branle, il nique de temps en temps, il consomme, il a un iPhone, il a de l'argent à claquer, voilà, il va en boîte de nuit, il est con, et puis voilà. Mais ceux qui sont capables de réfléchir un minimum, je pense qu'il faut arriver justement à leur dire exactement ce qui va pas, quoi. Et bien sûr, tu fais ça, toi, individuellement, mais après, il faudra arriver à faire ça, d'un point de vue, sur une grande échelle, quoi. Il faut arriver à utiliser l'énergie de frustration que les gens de notre âge, on a, parce que, quelque part, on a tous une frustration, quelque part. Et la frustration, c'est une énergie qui est très, très puissante, en fait. C'est comme la haine, c'est comme l'amour, c'est des énergies qui sont hyper intéressantes à manipuler. Même quand tu es un mec équilibré, tu taffes, tu vois bien qu'il y a des problèmes dans la société, quoi. Donc le truc, c'est que tous ces gens-là, bah, il faut être, les gens comme nous, il faut qu'on soit les moteurs de quelque chose. Alors je sais, c'est facile à dire, sur Internet, machin et tout, mais pour moi, ça passe par là, quoi. Bah, pour moi, en fait, j'ai une vision assez économique des choses. Exact, oui. C'est qu'en fait, c'est quand les jeunes... En fait, on... Le truc, je décrirais ça comme un phénomène de ressac, un phénomène de marée en fait. Donc quand les vieux de 68, alors Fred, il a envie d'en faire le procès, il a envie que les gens, enfin il a envie qu'ils payent et qu'ils souffrent et qu'ils comprennent pourquoi ils souffrent. Bref, qu'ils aient le retour de ce qu'ils ont fait dans les dents en fait. Et malheureusement, pour que ce soit possible, il faudrait que les jeunes générations comprennent. Ce qu'elles ont subi, qu'elles identifient les raisons, les causes, les auteurs. Et malheureusement, là, il y a un gap qui va être difficile à combler. C'est-à-dire que le temps que les jeunes comprennent qui a fait quoi et décident de porter le blâme sur les intéressés, l'essentiel aura, en fait, aura déjà foutu le camp. En fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là en parlant de phénomène de ressac ? Bah, c'est simple. C'est que j'ai parlé de pyramide des âges. Donc, les boomers sont très nombreux, comparativement à leur progéniture, qui sont beaucoup moins nombreuses. Et donc, il y a un phénomène de décalage temporel. C'est-à-dire qu'avant que l'on perçoive vraiment les conséquences d'une politique d'une génération à l'autre, bah précisément, il faut une génération, quoi. Et à mesure que la génération précédente s'efface, s'intensifient les conséquences en proportion de cette génération. Donc, très concrètement, et on va surtout le voir sur le système qu'ils ont bâti, qui est le système socialiste, ou l'État-providence, comme on dit, après la Deuxième Guerre mondiale, qui repose sur le principe de partage, en fait. Donc voilà, on partage, mais il y a un point central qui a été complètement gommé, c'est que c'est il partait du principe du partage entre individus. D'accord ? C'est-à-dire qu'il disait, c'était un principe général, abstrait, tout le monde cotise. Ça, c'est la générosité appliquée, ça, c'est le modèle social qu'on veut, c'est le modèle de société qu'on veut. Bon. Problème, ils ont complètement oublié une notion importante, une notion fondamentale, c'est la notion temporelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rempli la part du contrat. Si eux sont un certain nombre qui créent un système de répartition pour la couverture santé, la retraite, etc. Mais qui ne font pas le même nombre d'enfants pour travailler à leur place, en fait, on bascule dans un système de Ponzi. C'est-à-dire c'est une escroquerie d'une génération à l'autre. Et en fait, c'est la plus grande escroquerie intergénérationnelle qui n'ait jamais eu lieu. C'est celle qui est en train de se passer en Occident aujourd'hui, avec la génération des baby-boomers, ou des 68ards, qui a créé un système qui va lui bénéficier sans remplir aucune condition pour que le système soit pérenne. Et les jeunes générations, et je parlais de phénomène de ressac, c'est là que je vais en venir, ne pourront le mesurer que quand les contraintes financières vont commencer à se faire sentir. C'est-à-dire que quand le nombre de boomers va commencer à se réduire. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que les gens vont commencer à en vouloir de plus en plus aux boomers à mesure qu'ils disparaissent. Vous voyez ? C'est particulièrement pervers comme truc. Et les gens vont se dire, mais attendez, je comprends pas, le truc, il est pas à flot, il faut mettre plus de thunes, d'accord, il faut mettre plus d'argent, il faut mettre plus de pognon, mais qui a fait quoi, qui a décidé quoi, etc. Mais le temps que les types commencent à articuler le machin, politiquement, imaginez, juste pour vous faire élire, regardez-les, le parti de Macron, le parti de l'UMP, etc., tous ces partis-là qui essayent de faire voter, déjà les vieux, vraiment les vieux, quoi, vraiment les vieux, mais qui séduisent et qui vont tenter de séduire de plus en plus les boomers sur leurs valeurs culturelles, c'est-à-dire espèce de vieux hippisme dégueulasse, mais qui vont leur faire gagner les élections pour ensuite voter des budgets. C'est ça qui va se passer, c'est qu'ils vont organiser la truanderie électoralement, politiquement, en ayant des relais dans toutes les administrations. On ne pourra jamais les battre au niveau étatique, parce qu'on n'aura pas les gars dans les administrations, ni dans les partis et tout. Et de toute façon, démographiquement, on ne les battra pas, ils sont plus nombreux. Et que quand on va vraiment commencer à devoir payer la facture, ça sera trop tard. Il y a la facture économique sur le plan retraite, etc., machin, les dettes consenties, parce que c'est des dettes énormes qu'ils ont faites pour payer tout ça, je veux dire les retraites de fonctionnaires qui ont des bonus de fou, je veux dire, faut voir ce que c'est, hein, les retraites de profs, de fac. Le sabotage intégral à tous les niveaux. À tous les niveaux, mais ça c'est juste le financier. Mais il y a énorme. La race. Voilà. C'est eux qui nous les ont imposés, quoi. C'est-à-dire que ces types. Ils n'ont pas de quoi payer leur retraite, ils les mettent, ils vont prendre des types qu'on va nous payer. Pour les nourrir, etc., qui vont au final leur filer 50 balles de retraite en plus. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'ils ont vécu à crédit financier pour leur retraite et leur santé. Attention, hein, ça c'est censé. Dites-vous bien, un boomer est parti en retraite à peu près il y a 5 ans, en moyenne. Il compte vivre les 30 prochaines années, surtout dans la fonction publique. Voilà, dans sa tête, je vais vivre 30 ans de plus. Vous allez payer. Dans la tête du boomer moyen, c'est ça. Hein. Vous allez raquer. Hein. Je veux pas savoir comment, et vous allez payer. Parce qu'ils l'ont mérité, tu comprends ? Et voilà. Donc on doit... voilà. Esclave, alors, vas-y. Ça, c'est comment dirais-je, le crédit consenti financièrement, mais il y a le crédit civilisationnel, qui n'est pas quantifiable par définition, sauf en termes de tête d'unité d'immigré, quoi, si vous voulez. Quoi. Mais... de destruction de patrimoine culturel, civilisationnel, ça c'est pas quantifiable. Et ben c'est directement induit par ce qu'ils ont fait. Et là, on en est là. C'est-à-dire, et quand ils vont disparaître, au plan racial, comme au plan économique, mais au plan racial, on va le voir physiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les boomers blanchissent les rues. Faut que les gens en aient conscience. C'est-à-dire qu'en moyenne, comme il y a plus de boomers, bah oui, les rues ont l'air plus blanches. Les villes de France ont l'air plus blanches, même quand elles sont très, très, très déjà halogénisées, je veux dire, mais les petits villages, les communes, les beans, les machins, etc. C'est encore... Mais attention, quand tous ces gens-là ils vont partir, ou quand même sans imaginer qu'ils meurent, je veux dire, quand ils seront en maison de retraite, ou bloqués chez eux, bah, vous allez voir la gueule des rues de France, quoi. C'est-à-dire que là, vous allez prendre la vague en pleine tête de l'immigration réelle, vous voyez, et vous allez voir les conséquences civilisationnelles et culturelles que une seule génération a eues sur la France. Et c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Belgique, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai absolument partout dans le monde occidental. C'est terrifiant, quoi. Et ça, c'est évidemment jamais dit. Qui va le dire ? Bah, personne, ni les partis politiques. Ni les grands journaux, etc. Ils sont tenus par ces gens-là. Ni les baby-boomers d'extrême droite, que ça arrange bien qu'il y ait des juifs quand même, quoi, parce que... Hein. Moi, je veux juste faire une remarque. C'est que je ne suis pas très philosémite, hein, je pense que vous l'avez compris. Mais, n'empêche que, pour moi, le fait que les juifs se perçoivent comme des, disons... parler gentiment des compétiteurs des Européens, hein, voire des ennemis, ça ne me choque pas. Et qu'ils essayent de prendre le pouvoir, de s'accaparer des richesses, alors c'est, on peut s'en lamenter, on peut s'en plaindre, on peut essayer d'y trouver des solutions, mais ça n'est pas choquant en soi. Bon. Par contre, quand des vieilles merdes de 60-70 balais, qui sont bien français de souche, des Européens, alors que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays d'Europe, effectivement, le résumé de leur existence, c'est économiquement de dévorer et de détruire l'avenir de leurs propres enfants, on a un plus gros problème. C'est-à-dire que ça n'est pas choquant que des ennemis raciaux essayent d'être en concurrence avec toi, qu'ils essayent de... Voilà. Par contre, quand c'est ton propre camp qui mange littéralement ses enfants, voilà. Donc, si vous voulez, on peut parler, effectivement, beaucoup de juifs, d'autres choses, etc. Mais on a quand même un problème de fond avec cette génération qui est à résoudre et je ne pense pas qu'on puisse se permettre de laisser passer. Je ne pense pas que la fuite par rapport à ça, et je ne parle même pas de fuite géographique, hein, c'est pas une question d'aller ici ou là, mais je pense pas que la fuite par rapport à cette question-là soit une option. Ça n'est pas possible. C'est une vraie maladie qui va, on va la traîner psychologiquement, on va traîner des séquelles de ça très très graves, hein, pas seulement matérielles. Donc il faut, oui, il faudra faire quelque chose. Alors quoi, voilà. Hein. Oui, il faudrait exorciser cette génération démoniaque d'une manière ou d'une autre, effectivement. Sur ces bonnes paroles, à la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Merci, les gars.